tout cœur là. Je suis content naturellement. Et c'est à votre service. Je suis à votre service. Allez, toutes les questions. Moi, c'est. Je m'appelle. Ah non, c'est compliqué. Là. Et vous êtes. Mmh. Et si je suis arrivée ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes à la quête de la vérité. Mmh. Quelle est la vraie nature, le vrai esprit de Dieu. Mmh. Bon, qu'à cela ne tienne, nous avons cru, nous avons donné notre vie à Jésus. Mmh. Mais moi particulièrement, j'essaye de dire ça, mmh. J'essaye de tu tiennes le pas quoi. Bon, j'essaye. Mmh. J'essaye. Bon, ma soeur, elle est en France. Mmh. Et c'est parti d'une conversation que nous avons eue avant-hier, mmh. En ligne. Et c'est où elle m'a envoyé plein de témoignages, Baba Iba, mmh. Ma soeur écoute, voilà. Mmh. Et en écoutant, j'étais vraiment intéressée. Et elle me dit, voilà, oui, moi aussi quand j'ai écouté, mon cœur a fait manger. Et quand cela me tient, même au Cameroun, hein, je dis en bon, si au Cameroun, dis-moi, moi, moi mm-hmm. Je suis au Cameroun, donc je vais chercher. Mm-hmm. Et c'est donc comme ça qu'elle cherchait, elle ne pouvait pas les numéros, et après elle a trouvé les numéros, mm-hmm. Elle m'a envoyé une série de numéros où j'ai essayé d'appeler, je suis tombée sur la soeur. Mm-hmm. Et mon épouse, c'est la soeur Grâce. Elle me l'a dit au téléphone. Et d'où ma présence. Mm-hmm. Mm-hmm. Et elle aussi, elle était tellement contente et elle m'a dit voilà, pardon, si tu arrives, appelle, tu mets nos valeurs pour qu'on échange tous ensemble. Mmh. Elle est où en France? Elle est en France. Oui. Elle n'a pas Skype? Non, je ne sais pas, mais on fait par WhatsApp. Je ne sais pas si le réseau va nous permettre, mais qu'à cela nous... Non, il y a le wifi là-bas, connecté sur wifi. Si vous habitez sur Skype, on appellerait là-bas. D'accord. Mm-hmm. Donc voilà d'où ma... Mais on était en France, ça veut dire que nous étions en France. Bon. Ouais, ces derniers temps, on était en France en mai. Mai, juin, c'est ça non? Oui, mai, juin. Mai. Mm-hmm. Nous sommes en fait, en juin, on était en Amérique. D'où ma présence, mon frère. Mm-hmm. C'est vrai que j'ai eu une vie, moi je parle d'abord de moi, mm-hmm. Tellement tumultueuse, mm-hmm. Tellement tumultueuse, au point où je me suis demandé quelle est même ma mission, au point où j'avais vraiment envie, j'avais des esprits suicidaires, mm-hmm. Parce que j'étais tellement mal en point, la santé n'allait pas. Ouais, ne parlez pas encore de cela, mais il y a quelque chose que je voulais penser. Tu as dit que tu étais à l'aise, non? Oui, c'est pas dans la vie. Non. Pas seulement. Il faut... C'est pas dans la vie. C'est. Il y a des révélations qui peuvent diviser. Des révélations qui divisent. Vous comprenez ce que je dis? Donc il y a une révélation qui divise. C'est ça que c'est le plus grand de la situation ici. Donc, voici quelque chose. On donne une révélation et cette révélation aussi crée des divisions. Vous avez compris ce qu'il dit? C'est ça, donc, c'est ça le plus grave là-dedans. Normalement, vous êtes trop vite venu. C'est trop vite. Oui. Vous avez suivi quoi sur Baba Iba? Il y en a 700 enseignements là. Non, moi particulièrement, je n'ai pas encore suivi les enseignements. Mmh. Je n'ai que suivi le témoignage avec la connexion qui n'est pas bonne. D'une petite fille dont son papa voulait le jeter. Je ne savais pas, Mélissa. Et Mélissa, qui je n'ai pas fini parce que la connexion n'était pas bonne. Mmh. Et le témoignage en cours d'un frère qui témoignait comment il a été persécuté par sa famille. Il habitait chez une dame pendant je ne sais combien de temps. Mmh. Je n'ai pas encore fini le témoignage, mais il a raconté tellement, il fréquentait à Cham. Mmh, mmh. Ça, c'est le témoignage de Satan me donner des prophéties. Oui, très bien, le titre, c'est ça, parce que ma sœur m'a envoyé le titre. Mmh. Voilà. Donc là, maintenant, comme tu es au Cameroun, tu n'as pas besoin d'aller chaque fois de passer sur le net. Mmh. Je te propose de trouver une clé USB. Tu vois, comme ça, mets un carte de mémoire de 16 gigas. Je te mets les enseignements dedans. Tu écoutes. Le monsieur, là, il sort des États-Unis. il est là comme ça à cause des mêmes choses. Lorsqu'on a de marcher avec le Seigneur, il faut regarder que la fondation est bien mise. C'est pour ça que je dis que tu es très vite venu. Parce qu'il y a des choses que Dieu va dévoiler au travers des enseignements. En suivant, parce que c'est pas ordinaire, c'est pas conventionnel. Les enseignements qui sont là-bas ne sont pas conventionnels, ce ne sont pas les enseignements ordinaires. Peut-être il y a des gens qui viennent, quand ils viennent, ils s'attendent à ce qu'ils vont trouver une assemblée, que c'est un pasteur bizarre, mais c'est pas comme ça du tout. C'est toute autre chose. C'est toute autre chose ici. C'est pas conventionnel du tout. D'accord. Et comme tu es venu, tu as besoin de prier aussi. Donc, mais j'ai dit, il y a une révélation. Révélation qui divise. Voilà la phrase. Révélation qui divise. De quoi est-ce qu'il est question au juste? Bref, enfin, je commençais par vous raconter ma vie. Quoi. Donc, j'ai été longtemps malade et ma maladie à l'hôpital, on me dit voyage en ligne. Bref, on trouvait que j'étais malade, mais quand je suivais le traitement qui allait avec ça, j'ai perdu mes parents. J'ai perdu d'abord ma maman en 2015. J'ai perdu mon papa en 2016. Avant ça, je n'ai pas conçu facilement. Parce que j'ai longtemps cherché l'enfant, vraiment longtemps. Au point où ça m'a rendu un peu aigri. Parce que je me posais la question, pourquoi moi, j'ai pas fait quelque chose qui pouvait me plonger dans cette situation. Mais quand j'ai perdu ma maman, le Seigneur, pendant que je travaillais, j'ai pris un congé. J'ai dit voilà, je peux m'occuper de mes parents. Et je suis arrivée à Yaoundé parce que je suis née et grandie à Yaoundé. C'est le mariage qui m'a déporté ce doigt-là. Et c'est comme ça que ma maman, en 2015, quand elle passe les fêtes, après matin, elle me dit ma chérie, tu as tout fait pour moi. Et je te dis merci. Et sache que j'ai fêté plus qu'une blanche. Je lui dis maman, le temps n'est pas encore arrivé parce que je ne peux pas poser. Parce que tout le temps, j'étais malade et à chaque fois, on partait à l'hôpital, rien. Et je ne vais pas vous mentir, ma soeur, mon père, j'ai fréquenté le marabout énormément même. Parce que je n'étais pas bien. Je faisais des sons. Tu cherchais les solutions. Oui, je n'étais pas bien. Et quand j'ai suivi, bref, quand j'ai assisté ma maman, parce que le jour où j'arrive chez ma maman, ce même soir-là, elle me dit, ma fille, tu es arrivée, je dis, oui, maman. Elle était tellement contente parce qu'elle était déjà tendue. Elle avait déjà fait un AVC où on avait tout fait, sa main n'est pas revenue. C'est comme ça qu'elle m'embrasse, elle cherche de quoi je vais manger. Je lui dis, oh maman, toujours ça, toujours manger. On échange comme ça et la nuit, on va se coucher en priant d'or. Dans la nuit, je sens les odeurs. Maintenant, c'est les odeurs de quoi, maman? J'ai fait tes toilettes, pourquoi je sens les odeurs? C'est comme ça que j'allume, elle avait fait les selles sur elle, elle a fait pipi et elle est en train de t'enviser. J'ai dit, Seigneur, avec tout le travail que j'ai fait. Donc, je n'ai même pas de repos, c'est comme ça que j'appelle mon grand frère le pater et deux mois. La maison était un peu dans le quartier, dans le temps d'arriver en route et tout, on arrive quand même à l'hôpital. Maman allait bien, s'est réveillée. Après le médecin nous dit qu'il faut rentrer, ça va. Vu qu'elle est hyper tendue et elle n'avait jamais fait ce genre de truc, c'est normal qu'elle... Je dis à mon grand frère, mais non, c'est pas normal. Comment le médecin peut dire que c'est normal qu'elle fasse ce genre de crise? Il dit, tu es médecin maintenant. J'ai dit non, pas que je suis médecin, mais pour moi, je préfère qu'on garde maman en observation, pas qu'on rentre à la maison. Il me dit non, c'est comme ça qu'on rentre, le grand frère a parlé. On rentre, il nous a donné une injection que maman devait faire le travail. Et comme on habitait à côté d'un hôpital, l'hôpital de la police à Yaoundé, l'école de police, voilà, comme il y avait la Tingala, oui, d'accord. C'est comme ça que je pars, j'achète le médicament de maman, on injecte maman 3 jours sur ce site. Et le jour où le médicament fini est conduit encore, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais c'est comme ça qu'on se retrouve encore à l'hôpital central, on est allé. J'ai fait pratiquement un mois à l'hôpital avec maman, je dormais seule à l'hôpital central. Et c'est comme ça qu'à la suite de ça, maman m'a enlevé. C'était un choc. Ouais. Vraiment un choc. Un choc que je n'ai même pas encore digéré jusqu'à aujourd'hui. On a enterré maman. Et 3 mois après, j'ai commencé. Non, pas 3 mois, le même mois. Parce que j'enterre maman on a enterré maman en... Parce qu'elle est morte le 6 février 2015. On l'a enterré en mars. Mars, juin, je conçois. Et quand je conçois mon père, quelque chose que j'ai toujours entendu, c'était pas ça. C'était tu dis, mais Seigneur, ça c'est toi. J'étais pas bien. Et je vis ma vie seule dans la joie et dans la tristesse. Et vers le sixième mois, ma grossesse recommence maintenant comme une grossesse à risque. Et j'ai une rétention d'eau. Je gonflais, j'étais comme une hippopotame. Et c'est comme ça que je crois aussi qu'à combien de semaines le médecin décide d'interrompre ma grossesse parce que ma vie était même déjà sans manger. Et par la grâce de Dieu, l'enfant vit et je vis. Je rends grâce à l'Éternel parce que je sais qu'il a toujours été là pour moi. C'est vrai que le temps de l'homme n'est jamais son temps. Et j'ai compris beaucoup de choses à travers cela. C'est vrai, mon bébé est venu, la souris est venue. Elle était toute petite, donc 2 kg 150, vous pouvez imaginer. C'était pas évident, ma maman n'étant pas là. Et c'est comme ça qu'en 2016, je perds aussi mon papa. Oui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai perdu mon papa parce que mon papa me dit, tu as accouché? Je dis, oui, j'ai accouché. Et c'est comme ça qu'il me dit, ok. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, papa. Donc... Mais la façon que papa dit cela, il dit ça en étant en joie, quand enfin ou bien il est désolé. Ça, je ne peux pas savoir, papa. Parce qu'il y a des choses qui se cachent derrière. Ouais, je ne peux pas savoir. Mais quand que j'ai comme l'impression que tu essaies de ne pas penser dans cette direction-là. Ouais. Parce que tu ne veux pas comprendre. Tu as peur que la vérité te choque. Donc... Quand on apprend des choses, que ça te choque. Non, je suis prête tu à ça. Tu es préparé. Je suis très préparé, papa. Beaucoup. J'ai tout entendu. Tu as entendu? Tout. Tu as suivi ce qu'il dit tout à l'heure? Oui. Il dit quoi? Que là, c'est la révélation qui se passe. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà un peu la petite vie. Et voilà. En tout cas, tout mon calvaire a commencé quand j'ai voulu concevoir. C'est où tous mes problèmes ont commencé. Et suite au décès de maman, j'ai accouché. Et je me suis mariée officiellement. Ouais. Parce que je me suis mariée le 25 mars 2017, officiellement. Et voilà pour ça. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les couches de nuit. Hein. Ouais. Explique-moi. Les couches de nuit, oui. C'est les relations intimes qu'on entretient dans le rêve et dans le singe. Courage, d'accord. Merci. Courage. Il faut que tu t'exprimes jusqu'à ce que ton cœur se calme. Il faut que tu t'exprimes jusqu'à ce que ton cœur se calme, d'accord. La révélation divise. La révélation qui divise. Mais tu as besoin de plus. Tu as besoin, en fait, en clair, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Donc, ça veut dire que si tu vois que un jour, tu seras libre, tu vas venir ici. On va passer la journée pour prier. D'accord. Elle va venir. Je crois que quand tu travailles, forcément, ça va être soit un samedi, soit un dimanche, selon ta disponibilité. Par exemple, on est toujours fixé à nouveau ensemble. L'avance, là, tu vas prendre 2 jours avant, le jour où tu vas venir ici en jeûnant. Comme ça, quand tu vas venir ici, on va finir prier pour toi, tu vas pouvoir couper ton jeûne ici. D'accord. Ça va aller. Mais les enseignements-là ne sont pas conventionnels. Tu n'as pas une clé USB ici. Je crois qu'il y a une totale de l'ouvrage. Bonjour. Combien de chiffres? 64. 64. Ah, c'est bon. Là, on est, tu n'as plus besoin d'aller sur Internet. Je vais te mettre tous les enseignements dedans. C'est vrai que j'ai quelque chose là, mais c'est pas aussi. Ta soeur, elle s'appelle comment celle qui est en France? Elle s'appelle épouse de. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ma mère. Yesterday's gone, sweet Jesus. And tomorrow may never be mine. Donc, patience à remplir, d'accord. C'est pas compliqué d'arriver ici, mais la route est quand même mauvaise, n'est-ce pas? Donc, bienvenue, d'accord. Sans toi, à l'aise. Sans toi, ne t'inquiète pas. Connecte-la sur WhatsApp, alors on pose avec sa soeur, c'est combien de temps? Ah, elle est sur WhatsApp. Elle est sur Skype, elle n'a pas Skype. Ok, alors je crois qu'elle est sur Skype, mais ça va depuis quand? Les enseignements qu'on a fait à l'école, on a fait des fois, c'est parce qu'on nous faisait la manger ici. Donc, c'est des enseignements au moins de 29 gigas, j'étais encore comme ça, mais presque tous les enseignements, presque tous les enseignements sont sur une lettre. Donc, tu les as ici. Donc, tu prends ton temps d'ouvrir, tu regardes les titres, ce qui t'intéresse là, tu es parti, tu vois les titres, tu vois tout le monde. Oui, allô, ma mère. Ça va et toi? Ok, je suis avec la soeur Grace et le frère Junior. C'est pas mieux d'être connecté sur le net ici là comme ça, on pourra faire vidéo, il n'y a pas de problème. D'accord, attends, hein. On va mettre le wifi et comme ça on pourra parler aisément. D'accord. Donc, je suis au volant. Tu es au volant, hein. Je suis au volant. On te rappelle dans combien? On te rappelle dans combien de temps? Ok. D'accord, tout à l'heure. Mm-hmm. Dans 5 minutes, c'est ça? Oui, c'est bon. D'accord. Tu vas appeler le frère Junior, d'accord? Oui, Junior. L'espace de disque FR, évidemment. Un peu. Non, non, je ne pas, il dit. C'est vrai, oui, il y a beaucoup de. Parce que. Show me the way one day I'll return. Vous convenez donc le jour de la prière, d'accord? Quand vous m'avez dit qu'il y a des révélations qui divisent, C'est quoi? Après la prière, on va prendre une prière, on va voir ce qu'il y a. Mm-hmm. Tu es sur ton cœur, vraiment prêt à suivre. Mm-hmm. Bon, maintenant il y a des rêves. Mm-hmm. Et donc tu me parles des rêves durant ce moment où ta maman était malade. Mm-hmm. De cette période, jusqu'à ce que tu sais. Je me fais beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées parce que je vis avec ma nièce qui est ma fille, donc la fille à ma grande soeur. Pendant que j'étais longtemps malade, elle dit maman, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me montrer ce qui te dérange. Et en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Parfois, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vrai. Dites-moi ce qu'on a dit. À un moment donné, mon papa était à la cuisine. Et dernièrement, il y a encore quelque chose qui est sorti, après même le décès de mon papa. Donc, déjà, le rêve que ma nièce avait fait, elle dit que quand elle a vécu, après. Elle a vu un animal et elle ne pouvait pas dire quel était l'animal parce que l'animal avait plusieurs formes. Parfois c'était l'éléphant, parfois la panthère, parfois donc c'était plusieurs animaux en une seule forme. C'était un malaxage. Voilà. Et après, elle dit, papa, je ne veux pas que tu me montres comme ça. Je veux voir le visage de la personne qui dérange ma mère. Parce que ma fille, je l'ai depuis qu'elle a 5 ans, elle en permet un jour. Et c'est elle dit qu'on a montré le visage de ma belle-mère. Et quand elle m'a dit, j'ai dit à ma fille, tu sais, il y a des gens qui prennent le visage des gens qui dérangent. Et je suis passée sur ça. Et depuis lors, parce que quand elle m'a dit ça, je pense qu'elle faisait la classe peut-être de troisième. Et depuis lors, on me fait comprendre que ma belle-mère n'est pas bien et elle connaît quelque chose dans ce que je vis ou dans ce que je vis. Et avant, je comprenais ma belle, aujourd'hui, ma belle-mère, finalement, donc, c'est qui je suis au milieu. Donc, c'est la révélation. Si tu suis la façon dont je parlais, quand tu es en train de parler du nombre, le problème, ton problème se situe au niveau de la révélation qui divise. Je t'ai laissé parler parce que tu avais besoin de t'exprimer. Donc, quand tu t'es assise, quand tu commences à parler, c'est cette boule de phrase que tu m'as donné pour toi. Mais ça veut dire tous tes problèmes. Tous les problèmes que tu peux faire face se situent dans le niveau de cette phrase-là. La révélation qui divise. Si elle a une révélation qui divise, Dieu doit parler pour dire ce qu'il en est comme problème. Tu vois comment ça va appuyer. D'accord. Apparemment, tu vas aller au travail encore. On n'a pas le temps. Je dois venir, on aura le temps, on va prendre le temps doucement. Donc quand tu vas venir, viens pour ne pas être pressé. Donc on prend le temps pour travailler avec le Seigneur. On va voir ce qu'il en est. Tu vois, on va sortir, on va avoir les résultats. D'accord. Cherche quelque chose à poser, tu peux. Oui, c'est pas comme je disais. Un frais jumeau d'abord. Un frais jumeau, d'accord. Parce que tu as dit papa, papa, un peu cher. Donc c'est ça. Mmh. C'est ça qui. Confusion. La confusion. Et il y a beaucoup de choses, même quand j'ai accouché, la manifestation de ma belle-mère, j'ai compris beaucoup de choses. Est-ce que tu as parlé avec ton époux? On en parle, hein? Qu'est-ce que sa position? Non, il me dit, non, chérie, tu as raison, mais on va faire comment? Donc, je ne peux pas lui dire que voilà, les rêves, non, je ne peux pas. Pour que ça soit comme si tu as accusé sa maman. Voilà, non. L'accusation, bref, nos causeries, c'est dans quel sens? C'est dans le sens que je lui dis, voilà, aujourd'hui, je suis orpheline du père et de mère. Je sais que, parce que le jour où on m'annonce à ma belle-mère que je suis enceinte, c'était dans ma chambre conjugale. Là même, on n'était même pas encore mariés officiellement. Hein. Il m'avait seulement depuis. Et elle était assise sur des lits. J'ai vu comment elle a mis la main comme ça. Ça, c'est après que toutes ces choses-là me reviennent. Elle a mis la main comme ça. Et après, elle dit, le père n'a pas dormi. Parce qu'en ce temps aussi, parce que c'est d'abord mon beau-père qui est décédé. Après, mon beau-père, ma belle-mère est décédée. Après, ma belle-mère, c'est mon père qui décède. Donc, mon mari était dépassé, quoi. Là donc comme ça quand on lui dit, voilà, mon mari qui dit, voilà, maman, si on t'a appelé, c'est parce que je suis tellement contente, c'est l'enceinte. Elle a mis la main comme ça, elle dit enfant. Elle est tombée sur toi pour t'embrasser. Oui, non, elle m'a pas embrassé, elle m'a dit, elle a sinon dit enfant. Le père n'a pas dormi. Après directement, je me suis dit, même ma mère n'a pas dormi. Donc quand j'ai répondu comme ça aussi. De façon spontanée. De façon spontanée. Mais si tu comprenais son langage. Non, je comprenais. Donc à l'instant, je me suis dit, mais comment le père n'a pas dormi? Le papa, lui, il est mort depuis 2014. À un moment, elle vient de décéder et je tombe enceinte directement. Elle dit que son mari n'a pas dormi. Directement, je me suis dit, non, ma maman n'a pas dormi. Elle dit, oui, ma mère. Elle dit, oui, ma si tu as raison. Et vraiment, ils n'ont pas dormi. C'est vrai qu'ils n'ont pas dormi. Là, on est passé sur ça. Pendant ma grossesse, tellement. Après ma grossesse, parce que quand on enterre maman, mon mari était tellement mal parce qu'il a voyagé. Et après, il dit, parce que je prenais même les renseignements comment je vais aller en Afrique du Sud, vraiment. Et il demandait pardon qu'on me surveille parce qu'il a un peu peur que je fasse une bêtise. Et sa bêtise, c'était peut-être que j'avais fait une connerie, quoi. Et après son voyage, quand il est revenu, c'est comme ça que je pensais. Et lui, il est dépassé. Comment c'est peut-être que tu conçois aussi qu'est-ce qui ne va pas? Après tant, donc, le doute s'est mis en mon mari. Il a médité de sa paternité sur mon enfant. Ce qui fait que j'étais troublée pendant ma grossesse. Mon mari il regardait, mais quand je voyais comment il me regardait, je savais c'est que... comme si tu l'as trompé. Oui, voilà. Et il me l'a même dit, il dit, mais attends, excuse-moi, mais pourquoi tu m'as fait ça? Je dis, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Donne-moi la vie pour le passer. Il ne croyait pas parce que, imagine, tu as cherché l'enfant pendant 8 ans. Il dit, mais un seul rapport, comme ça là, tu es tombé enceinte directement. Donc ma soeur, j'étais dépassée. C'est le médecin, c'est mon médecin même qui était plus un psychologue pour moi. Il me dit, mais est-ce que ça va t'aller dans ta voix? Ça va sortir, non? Et il m'envoie. Et comme vous voyez mon enfant, c'est la photocopie trachée de mon mari. Là, ça a fermé sa bouche. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, mon mari ne sait pas comment demander pardon. C'est pas son pardon, c'est les cadeaux à gauche, à droite. Mais il est dépassé. Mais l'acte avait déjà été posé. Et entre-temps, il y avait des lieux, des funérailles, et que ma belle-mère n'était même pas là. Elle m'appelle étant en Allemagne, elle dit, il faut aller, machin truc. Le médecin m'avait déjà dit, tu ne vas plus même conduire, tu ne vas plus conduire. Il faut faire les choses minutieusement parce que tu n'es plus bien là où tu es. Et quand je dis à ma belle-mère, voilà, je ne peux pas aller à tel endroit, machin, non, pourquoi? Patati patata, c'est monté. Je suis restée tranquille, je lui ai dit, j'appliquais seulement, je ne mange pas. Elle reste là-bas. Et quand je suis tombée en scène, ma mari a dit, c'est ta maman. Je n'ai même pas dit quelque chose, c'est ta maman. Tout ce que je vais donner là, c'est le prénom. Étant dans la banque en Europe, quand ils étaient en Europe ensemble, quand j'avoue, parce que mon mari, lui, il s'entend avec le médecin. Le médecin dit non, tu peux voyager. Et quand mon mari part, il n'y a pas de problème. Hein. C'est quand mon mari part que derrière, ma grossesse devient une grossesse à risque. Parce qu'on faisait les consultations ensemble. Et il dit au médecin, pardon, je vais me déplacer parce que avec tous les deuils que j'ai eus, je suis pas bien financièrement, donc il faut que j'aille un peu chercher l'argent. Et le médecin qui lui dit, non, le médecin qui dit, vraiment, il n'y a pas de soucis, allez et vous donnez l'accouchement, on va le faire au mois de mars, avril. C'est comme ça que mon mari va derrière. Ça tape. Oui, la tension qui monte, je suis à 22 de tension et tout. 22 de tension. Et il panique, il dit, mais il appelle le médecin, je fais comment je rentre, parce que là, il était déjà en Italie. Parce que comme. Aussi. Il dit, je fais comment je rentre, je ne vais pas laisser l'enfant de trouver comme ça. Le médecin dit, non, calme-toi. Je vais te dire si tu dois rentrer ou pas. Mon mari n'a plus la force d'aller même faire un achat ou quoi que ce soit. Donc tous les jours, il est au téléphone avec moi. Il me dit, mets tes téléphones à côté de toi. Donc même quand je t'appelle, dors même avec l'enfant, dans ma première fille là. Il faut qu'elle décroche parce que là, je suis sur panique là. Un jour comme ça, le médecin, j'arrive à le faire, il me dit, non, tu rentres plus. Il n'y a même plus le temps d'informer ton mari. C'est comme ça que lui, il sort, il appelle mon mari que je dois ouvrir. Parce que si là, je laisse, c'est sa vie qui est. Donc, je ne veux plus m'entendre. Je veux ma femme et je veux mon enfant. Déjà, l'enfant même, ça vous regarde là-bas. Mais sa femme là, je la veux. Et cet enfant, il faut que vous lui donniez. Parce que si vous ne lui donnez pas cet enfant, cette femme, elle est capable de mourir. Il dit, mais monsieur Kemalou, j'ai compris. Ce que je vous dis, c'est que ça, c'est que je dois opérer. Maintenant, j'ai fait appel au médecin à l'hôpital général parce que son cas est vraiment délicat. Mon mari dit, est-ce que vous pouvez pas me donner, je cherche un billet pour rentrer. Il dit, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est comme ça que ma belle-mère est là-bas. Ça va, ça ne va pas. Je dis, ça va. À l'instant là, moi, je ne savais rien. Je parlais avec elle. Non, ça va aller, j'ai peur. Hein. C'est, voilà les paroles qu'elle prononçait. Et ma cousine, c'est avec. Pourquoi les plantes disent qu'elle a peur? Elle a peur de quoi? Mon frère, c'est comme ça que le Seigneur met la main et la libération se passe bien. Je sors du bloc et mon enfant sort aussi du bloc. Parce que le médecin pensait même qu'on devait mettre l'enfant à la poubelle. Mais le pédiatre a dit tel que l'enfant réagit en état de la poubelle, c'est seulement de bien la regarder et ça va aller. Et le Seigneur a aidé. Maintenant, le problème se pose au niveau du nom. Marie dit que, et leur maman est revenue. Non, tu parles souvent de Dieu. Non, je crois. Dieu existe directement, pas le problème commence. Il informe à sa mère que non, le nom sera la maman. Mais il dit pas, elle dit pardon, moi-même j'ai longtemps attendu. C'est comme ça que le problème, les discussions. C'est comme ça que. Vous décidez quoi? À la fin, c'est elle qui a pris le nom. Mon mari m'a dit, c'est toi qui... Non, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, il y a la maman de ma copine, elle dit, tu sais, on ne discute pas ce genre de choses. Laisse-moi la laisser. Il faut la laisser avec ça. Le plus important, c'est l'enfant qui est. Même si on te pose, on m'a dit, peut-être comme vous. Et quand je pose avec mon mari dit, ma chérie, ce que tu vas décider, c'est ce qui sera fait. J'ai dit, non, je n'ai pas discuté avec toi. Mon mari dit à cela, médecin, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, je n'ai rien à dire. On avait déjà dit, tu m'avais déjà fait cette promesse. Alors si aujourd'hui cette promesse doit être remplie, je m'appelle, donc je n'ai pas de problème par rapport à ça. Il commence à me demander, mais c'est même quelle histoire ça? Hein? Ça veut dire quoi, machin truc? Je lui dis, non, il faut laisser. Après, dans mon cœur, je dis, toi, tu ne peux pas prendre la décision. C'est toi, c'est à moi de prendre. Il veut remettre ça sur ta place. C'est ça, toi qui avais fait ça. On a tourné, et après, c'est après peut-être. Quand les gens venaient à l'hôpital, et tout le monde, de façon inconsciente, appelait ma fille Maman Anne. Mm-hmm. Parce que ma maman s'appelait Anne. Mm-hmm. C'est Maman Anne. Non. Ça, c'est quoi ça, ma chère truc? Et c'est comme ça qu'elle dit, elle l'appelle dans mon école, il dit, comment on te parle, tu ne comprends pas là. Parce qu'à chaque fois qu'on te parle, tu ne comprends pas. Le premier enfant, on ne donne pas à la femme. Comme je te dis là, en tout cas, j'ai parlé. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a pris. Et voilà. Donc, le nom de ma fille, ça... Donc voilà, mon frère. Voilà un peu, donc c'est un peu tout ça, mon frère. Et... que j'appelle déjà ma soeur parce que en même temps il faut qu'elle soit de tout. Donc tu n'as pas une vidéo là? Ah oui, j'appelle alors par la vidéo. Regarde la lumière, elle n'est pas bien te voir. C'est moi quelqu'un mère. Elle est là. C'est elle là mon frère. C'est elle là ma soeur. C'est quoi, c'est le foin? Bonjour. C'est la sœur Grâce. Et là c'est le frère. Bonjour, c'est comment ça va? Enchanté, c'est bien moi, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est bien la voix. Mm-hmm. Ça va? Je suis avec la, avec ma fille et avec mon épouse ici. Et il manque toi. Oui. C'est ma meilleure amie, c'est ma soeur, c'est ma fille. Oui. Mais tu es à Paris? Non, je suis en Bretagne. En Bretagne, ok. Oui. Ok. Ça veut dire, en mai, on était chez vous là. En mai? En mai, mai, juin. J'ai entendu le témoignage. Bonjour. Vous étiez en train de faire une génération. Oui. C'est en cette période-là, à Casablanca. Vous êtes allé à Casablanca? Non, Casablanca, c'est tout récent. On venait de rentrer de Casablanca. Ah non, parce que c'est hier que je suivais le témoignage de Casablanca. Oui. Casablanca, c'est tout récemment. En juin, mai, juin. Les enseignements qui ont pour titre nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est en France qu'on a fait cela. D'accord. Je peux vous parler de tomber sur vos enseignements pour savoir que vous étiez là en fait. Mm-hmm. Ben, de toute façon, Dieu fait grâce et il fait grâce à chaque chose en son temps. Ça c'est sûr. Et je tiens à bénir déjà le nom de l'Éternel des armées. Qui a prouvé que nous soyons tous ensemble. Je dis merci à Dieu. Mmh. Lui, il a voulu qu'on se rencontre pour pouvoir discuter après, etc. En fait. Mm-hmm. Que le Seigneur te bénisse. Donc quand tu as écouté le témoignage de Mélissa, tu lui as balancé exactement ce que écoute aussi ça. Non, en fait, j'avais commencé par suivre le témoignage du mec qui était dans les cantars. Mmh. Celui qui était dans les cantars. Oui. Et en fait, ça fait des mois, peut-être même des mois, que j'ai suivi le témoignage. Mais après, je suis passé dessus. Mmh. Et récemment, peut-être ça fait pas une semaine, j'étais en train de fouiller des témoignages sur YouTube. Je suis tombée sur des frères Williams, celui de Sancho. Oui. De Charles. Oui. Oui. J'ai écouté le témoignage, j'ai eu des frissons. J'ai senti une onde positive en fait. Mmh. J'ai dit, tiens, je vais enregistrer. Et je vais partager avec ma soeur. Donc on a cru au même moment. Mmh. Et je vais partager. Donc c'est comme ça que j'enregistre, j'envoie. Et je suis le deuxième témoignage de Mélissa. Oui. Je dis, mais tiens, c'est pour ça que tu t'appelles parce que je lui dis, est-ce qu'elle a suivi le premier témoignage que je t'ai envoyé? Elle me dit pas encore. Elle est tellement occupée. J'ai dit, ok. Je dis, je sens quelque chose de positif. Mmh. Et en ce moment, on se pose tellement de questions et j'ai besoin d'avoir des réponses par rapport aux questions qu'elle et moi on se pose. Oui. On se pose d'écouter le message de Mélissa et j'entends dans le message, le témoignage de Casablanca, prostituée internationale. Oui. C'est où j'ai dit à ma soeur qu'en fait, je suis tombée sur YouTube et il y a un nom marqué Baba Iba. Mais quand j'entends l'accent, c'est un accent camerounais. Mmh. Plus précisément, je pense qu'il est de l'Ouest. Mmh. Et en fait, il est même chinois là. Elle me dit qu'il est chinois là. J'ai dit oui. Elle me dit pardon, cherche son contact sur le web. Je vais voir le palais et je vais trouver. J'ai dit, je vais sur les comptes des fois. Quand il y a des vidéos, tout au fond, il y a des adresses mail. Je ne vois pas d'adresse mail. Oui. Mais qu'à cela, je vais lui. Elle me dit, pardon, fouille, tu me donnes. Il est chez moi, là, il faut que j'aille le rencontrer. J'ai dit, ok, moi-même, ça m'arrange, j'ai besoin des réponses. Autant qu'elle. Donc, c'est comme ça. Je suis en train de fouiller. J'ai même commenté en disant, en rendant gloire à Jésus-Christ, en demandant comment est-ce qu'on peut faire pour vous contacter. Donc, justement, quand j'ai fini le témoignage de Frère William de Sancho, oui. Je vois les numéros, c'est où je mets pause, je prends tous les numéros, je dis, je l'envoie le message. Ma mère, j'ai trouvé les numéros, j'ai tout copié, j'ai envoyé, c'est comme ça qu'elle a commencé à appeler, mm-hmm. pour tomber sur la Sœur Grâce. Mm-hmm. Donc, voilà un peu comment je. Amen. Je fais pour. Là maintenant, il est en train de mettre tous les enseignements dans sa clé, tous les enseignements qu'il y a, il est en train de mettre ça dans sa clé USB. Donc, il a de la nourriture au moins pour 2 ans. Elle a de la nourriture au moins pour 2 ans. Merci, chérie. Super. Gloire à Dieu. Mm-hmm. Gloire à Dieu. Mais je lui ai dit, ce ne sont pas les enseignements conventionnels. Oui. Donc, ça secoue. Ça fait mal. Oui, ça, je sais. Tu lui as déjà dit ça, hein? Je sais. Non, je ne l'ai pas dit, je veux qu'elle me mette l'écoute de cette oreille. Ok, tu veux qu'elle me mette l'écoute? Oui. Ok. Donc prépare-toi, ça va choquer, d'accord? Il faut qu'elle me mette l'entente de ses oreilles. Oui. Ok. Merci pour tout ce que tu fais pour elle. Tu n'as pas voulu garder la vérité pour toi seule, mais partager avec elle. Non. Mm-hmm. Oui, ça, elle. Quand je trouve un truc qui peut nous édifier, je partage toujours avec elle. Mm-hmm. Je lui dis, oui, que le Seigneur te bénisse. Maintenant, elle a les enseignements vraiment à l'état brut. Elle a au moins 400 enseignements maintenant dans sa clé. Donc, si elle n'écoute pas, c'est que c'est la paresse. Si elle n'écoute pas, c'est que ce n'est pas le travail, c'est la paresse. Exactement. Mmh. Et donc, voilà. Voilà. Donc, je crois que la prochaine fois qu'on va venir là-bas, on pourra se rencontrer, Dieu voulant. ou bien si entre temps c'est toi qui viens ici d'abord? Maintenant ce sera peut-être en 2019 parce que présentement je suis enceinte, donc je vais accoucher le temps de garder et mettre un peu de côté pour acheter le billet d'avion avant de venir. S'il arrive que c'est nous qui venons là-bas, on va se rencontrer alors. Oui. Plaise à Dieu. Enchanté, enchanté vraiment là. Alors, il te laisse parler avec la soeur, alors. D'accord. Oui, ma soeur. Il faut aller pas comme ça pour tout le monde. Non, ça va, on se voit tous les jours, on n'a pas besoin. Oui, ma mère, j'étais en train de parler avec le frère et la soeur. Le Saint-Esprit lui a déjà dit que... Ça va. La révélation qui divise, c'est déjà ce qui est sorti pour moi. La révélation qui divise, ça c'est déjà ce qui est sorti. Et j'ai un peu pris la peine de lui raconter un peu ma vie, quoi. Oui, entre autres. Donc là maintenant, ça c'est ce que les questions que nous nous posons, c'est maintenant ça que j'ai envie de parler avec lui là maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai appelé là. Donc je lui ai parlé un peu de ma maladie, le parcours que j'ai eu dans la maladie et le décès des parents et etc. quoi. Donc là maintenant, ce que nous nous posons comme question, c'est ça que je vais parler avec lui là maintenant. Donc on va parler tous ensemble. Le Saint-Esprit lui a dit, ma mère, donc la révélation qui divise, non, ma mère, donc il y aura quelque chose, la révélation qui divise, tu entends quoi par ça, la révélation qui divise. Ça, je ne sais pas, ma mère, on ne sait pas où ça va nous diriger, mais c'est ce qui est sorti, la révélation qui divise. Oui, je lui ai demandé, ma mère. Je lui ai demandé. Moi, je comprends que peut-être on te dira quelque chose qui va te choquer, non, ma mère. Tu comprends un peu. Voilà, donc c'est ça. Bon. Justement, il a dit qu'il va expliquer, que le Seigneur va nous conduire, ma mère. Voilà. Ok. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc c'est ça, ma mère. Donc là, quand il va revenir là, on va poser tous ensemble, on va poser les questions qui nous préoccupent, non, ma mère. Oui. Mais déjà, quand le frère va sortir, on va déjà parler de ce qui nous préoccupe, non, réellement. Voilà, dans ce cas. Il faut lui dire une adresse Skype. Il faut lui dire une adresse Skype pour laquelle on peut parler facilement. Ma mère, elle a une adresse Skype, non? Non, je sais que WhatsApp peut venir gagner le Parce que Skype est en temps réel et c'est quoi le débit est bon avec Skype, Le frère dit que le débit est bon avec Skype. Donc voilà. Okay. Bon, on va commencer. Hein. Oui, je suis là pour toutes vos questions. Posez toutes vos questions. Bon, là j'ai posé la tablette sur la table. Donc je vais commencer. Attends. C'est bon. Bon, c'est bon. Ok. Attends. Bon. On ne te voit pas, toi, depuis toi comme ça. Ok. Mon frère. Oui. Comme j'ai. Vérifie ton temps. Tu vas partir à quelle heure? Non, mon frère, ne vous gênez pas. Ok. Ne vous gênez pas. Parce que les affaires de Dieu, là, quand on entend. Ça peut nous trimballer jusqu'à 16h. C'est vrai quand même que ce qui m'embête, c'est que si mon téléphone sonne, je vais seulement partir. Et là, tu ne peux pas profiter que tu fermes ton téléphone. Non, papa, je ne peux pas passer. C'est monsieur qui est rescapulé. Mais tu ne lui as pas dit que tu peux quitter. Non, je ne lui ai pas dit passer. On avait un programme. Si je lui disais, je ne pouvais pas arriver ici aujourd'hui. Et je m'étais arrangé avec ma soeur que il faut que j'arrive seulement ici aujourd'hui. Ok. Mm-hmm. On y va là maintenant. Oui. Question 1. Question 1. La première préoccupation, c'est que nous avons une maman spirituelle. Oui. Qui déjà nous a beaucoup aidé dans la spirit. Nous n'avons pas cru avec elle. Flash, venez ici. Flash, venez viens. Participer à ça. Et dès que tu viens, on écoute la partie ici. Siente-toi ailleurs. Siente-toi. Nous n'avons pas cru avec elle. Ma soeur et moi, nous avons cru ensemble chez un pasteur qu'on appelait pasteur. Et nous avons cru suite à toujours à mes malaises, à mes différentes maladies et tout. Et suite à ça, j'ai décidé de... Bref, il devait nous mettre dans un jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire. Oui, à sec, le jeûne d'Esther. Et j'ai profité donc d'un voyage de mon époux. J'ai dit à ma soeur, parce que j'habitais avec elle, on vivait ensemble avant qu'elle me voyage, avant qu'elle se marie. Je lui ai dit vraiment, je vais aller dans le jeûne là. Elle dit 3 jours sans manger, sans boire. Je lui dis oui. Elle dit non, maman, cela m'a dépassé, je ne peux pas. Et le lendemain que moi je devais partir, la nuit, elle aussi, elle a eu les attaques. Et c'est comme ça qu'elle dit que non, on va que partir ensemble. Moi-même, je n'ai pas dormi. Cette nuit-ci, en temps ensemble. Parce que les détails, je ne vais pas vraiment tout entrer dans les détails. Mais c'est comme ça qu'on s'est retrouvés chez notre pasteur là. Et il nous a mis dans le jeûne. Après le jeûne, il nous a baptisés. Et quand il nous a baptisés, il m'a dit, toi Cyril, j'ai demandé au Seigneur de réellement te montrer où tu es. Et nous sommes rentrés. Et quand on a dormi, dans la nuit, le matin, c'était 4-5 heures, j'ai fait un rêve. J'ai vu un gros serpent qui cassait le mur pour sortir. Et c'est comme ça que le serpent venait et moi j'étais couchée sur un lit avec ma soeur que je suis, ma soeur aînée, celle que je suis, et une amie à moi au quartier à Yaoundé là-bas. Et j'étais au milieu et le serpent venait au milieu pour m'avaler. Je dis au nom de Jésus, quand je dis au nom de Jésus, le serpent rentre sur lui, ça tourne. Je dis au nom de Jésus et le serpent était vieux, mon frère. Au point où les écailles s'élevaient. Vous voyez quand vous achetez un gros poisson avec les écailles là, les écailles s'élevaient. Quand j'ai donc dit comme ça, c'est comme ça que je me suis réveillée. Ma soeur dit, non, tu es en train de rêver. J'ai dit, il y a quelque chose. Et étant même déjà debout, je m'effrayais. Tellement c'était réel que j'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Et j'étais dans la chambre de ma maman. Et j'ai dit, pardon, on part chez le père, on part chez le pasteur. C'est comme ça qu'on est rentré chez le pasteur là. Peut-être à 7 heures, on était devant son portail. C'est quoi? Je lui explique. Il dit que, maintenant tu vois donc où tu étais. C'est le serpent là. Parce que tu ne veux pas croire. J'ai dit que mon père, il dit que non. J'ai dit qu'il faut qu'on te montre. Il fallait qu'on te montre ça. Parce qu'il m'avait dit, même les rapports, il fallait plus que j'ai des rapports parce que c'était prédestiné que je ne devais pas me marier. Donc il fallait que j'arrête avec les rapports sexuels. S'il fallait rapport sexuel, je devais me marier légalement. Et la période là même, la dot, on ne m'avait pas encore doté. Donc je pouvais dire que je vivais en concubinage. Et quand on a laissé passer, parce que là on a pris le baptême, là on est allé maintenant dans une autre assemblée compassion globale. C'est là-bas qu'on persévérait. Et on avait un pasteur là-bas, c'est lui qui nous suivait. C'est comme ça que je rencontre. Il est gros, oui. C'est comme ça que je rencontre pasteur. Il a dit, je veux voir ton mari. Je dis que papa, il ne peut pas venir. Il dit, j'ai dit, va dire à ton mari que je veux le voir. C'est comme ça que je pars aussi. Ma soeur est là. Je dis à mon mari que vraiment, nous on part à la prière. Et ce qui était là, que c'est que partout où on partait, quand il finissait le travail, il vient, il garde sa voiture où on est, il nous attend. Après, il nous porte, il nous ramène à la maison. Il y avait des jours, il bavardait et des jours. Et un jour comme ça, il dit, tu ne vas plus. Il dit que je vais seulement partir, papa. C'est moi qui comprends dans toi. Et le jour où Pacha me dit, je veux voir ton mari, je pars, je lui dis, et Pacha m'a donné le rendez-vous entre 14h et 15h. Je dis à mon mari, il dit, ok, allons-y. Il est parti, j'étais étonnée. Il a causé à Pacha, causé, ils ont fait peut-être même 3 heures de causerie. Et jusqu'à aujourd'hui, que ce soit soit mon époux, personne ne m'a jamais dit ce qu'ils ont posé, mais pasteur me dit, si tu aimes ta femme, va l'adopter. Il dit, je n'ai pas moins de problème. Parce que mon mari est de nationalité française, mais d'origine camerounaise. Je n'ai pas de problème, c'est parce que les papiers sont bloqués au consulat. Et voilà où nous en sommes. Il dit qu'il n'y a pas de souci, la dot, même Dieu reconnaît la dot, va adopter cette femme. C'est comme ça que mon mari commence dans la procédure de la dot. Et par exemple, il m'avait dit, sache que c'est ton mari. J'ai dit, ok, mais pas, j'ai compris. Il dit, mais j'ai dit, il faut qu'il parte faire la dot. Avant de vivre comme cela, il faut aller faire la dot. C'est comme ça qu'on commence la procédure de la dot. Et ce qui n'était pas facile, parce que c'était vraiment une guerre. C'est où mon papa s'est levé. Oura. Il sortait d'une opération que c'est même mon mari qui avait tenu. Il rentre au village et il dit que, quoi, la dot, là, je vais voir qui va recevoir ça. Pour commencer, il n'y a que moi pour recevoir ta dot. C'est comme ça qu'avec ma soeur, les prières. De ton compagnon d'œuvre. Oui, mon compagnon, c'est vraiment mon compagnon d'œuvre là-bas parce que c'est une qui prie aussi beaucoup. Et c'est comme ça qu'un jour à l'église, parce que c'était là au point où de façon, on avait déclaré, ma mère, si je saute, tu me rattrapes, hein. Comme quoi, s'il faut me doter au village. Attends, je vais te couper une minute. Oui. Déjà, quand tu as rencontré la période, tu appelais l'enfant, mais tu n'étais pas prête. Mais au moment où tu vois l'enfant, ton ventre a commencé instantanément à chauffer. Et le plus, c'est chauffer comme ça. Ton ventre a commencé à chauffer. Attends un peu, ma soeur. Ma paix, c'est vrai, il faut qu'elle mette. Parce que la paix des. Je disais que quand elle a rencontré son mari, et il voulait l'enfant à une certaine période, mais elle n'était pas encore prête. Mais au moment où elle a dit, voilà, je suis prête de faire un enfant maintenant, instantanément, son ventre a commencé à chauffer. Elle attendait de plus en plus qu'il y avait du feu. Et c'est ça qui... C'est bon? Oui, c'est bon. On peut plus tirer le niveau de... Non, non. Non, c'est plus dans le... Non, non. Voilà. Allume la machine. Alors, tu as chargé. Allume derrière toi. Merci. De rien. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Bon, je voulais être... C'est parti de... À chauffer, voilà, ça a commencé par le dos parce que mon mari disait, tu vois, lui, vous, on m'a dit que les filles au Cameroun, ce sont des bandits. Oh, c'est monté, machin, truc. Après, je dis, ah, tiens, j'aime cette personne, pourquoi donc pas faire mon enfant? S'il a le désir d'avoir un enfant et tout, c'est donc comme ça que j'ai dit, donc, ok, je vais faire mon enfant, je pars à l'hôpital, je vois si je suis correcte et je fais mon enfant. Là, je vais coucher au fauteuil, pas ici à commencer à chauffer. Chauffer. Jusqu'au jeudi où je vous parle là, mon frère, ma soeur. Mon ventre chauffe jusqu'au jeudi. Et c'est donc comme ça que, étant donc chez le pasteur, chez la compassion globale, un dimanche, on était à l'église et on finit l'église. Et après, le pasteur devant dit, attendez, le Seigneur dit qu'il y a des gens ici qui ont des problèmes avec l'un de leurs parents, on n'a pas spécifié. Faites une offrande, vous mettez dans l'enveloppe, on va prier ici à l'hôtel, et la même offrande, vous allez aller donner à ce parent-là. Comme ça, dans la mer, parce que c'est ta prophétie. Parce que c'était déjà au point où mon papa avait dit que la dot va se faire à Bandjoum. Et à chaque fois, j'avais déjà suivi, parce que comme je vous ai dit, je partais chez les marabouts, parce que je ne dormais pas. Moi, mon sommeil commençait le matin à 5h. Toute la nuit, là, je ne dormais pas. Quand je dors, je vais voir comment on me poursuit, comment le serpent est monté, comment c'est descendu. Donc, je ne dormais pratiquement pas. J'avais même peur du sommeil, pour tout vous dire. Et quand la prophétie la sort, c'est comme ça que je sors dans l'argent de mes poches. Là, on achète l'enveloppe, là, on met. C'est comme ça que le pasteur va à l'hôtel à genoux, toi, il prie. Il me dit, ma fille, va, n'aie pas peur, va voir ton père. C'est comme ça que j'appelle ma soeur aînée. Elle devait quitter Yaoundé pour m'accompagner au village. C'est comme ça qu'on arrive à Bandjoum. Il me dit, quand tu vas arriver dans la concession, tu m'appelles parce qu'il faut d'abord prier. C'est comme ça que j'arrive d'abord dans la concession de ma mère. J'appelle, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Il me dit, va voir ton père. Avec l'huile d'onction, il me dit, tu te oins, va voir ton père. À peine on descendait, c'est comme ça que je vois mon papa, il était en train de monter. Je dis, mais tiens, très tôt comme ça, là, il va où? Et on le salue, il me dit, c'est comment il salue ma soeur? Ma soeur dit, ça va. Il dit, mais vous sortez d'où? Ma soeur dit que non, je suis venue accompagner Cyril. Il dit, ok, descendons alors au village. C'est comme ça qu'on descend dans sa concession à lui. On s'assoit. Après, il dit, mais vous sortez d'où? Il dit, demande à ma grande soeur que, mais toi, tu es donc venue faire quoi? Parce que moi, j'ai fait appel à elle, mais toi, tu es venue faire quoi? Elle dit, non, son mari m'a demandé de la... Il dit quoi? Son mari l'a demandé de venir où directement? Ma soeur, il faisait comme s'il voulait même taper. Il dit que tu as dit qui, son mari? Après, il dit que ma soeur a fermé sa bouche, elle est restée tranquille. Après, mon papa dit que oui, toi, c'est quoi? J'ai dit que papa, je suis venue. Il dit, pourquoi tu es têtu? N'est-ce pas, tu m'avais dit que tu vas accoucher avant de te marier? J'ai dit, moi, on était où? Mon papa était tellement déjà grand. C'est pas le genre de papa jeune qu'on va dire que tu as une conversation de ce genre avec lui. Mmh. Et mon papa était notable. Mmh. Donc j'ai dit, mais papa, on était où quand je t'ai dit ça? Mmh. Je n'ai même jamais eu ce genre de conversation avec toi. Comment tu fais pour ça? Comment? Moi, je t'ai dit que je vais. Ferme ta bouche quand on te parle, tu dois écouter. Tu dis que quoi? J'ai dit, je n'étais jamais. Directement, j'ai reçu un esprit qui dit, ferme ta bouche et tu sors l'enveloppe. Mmh. C'est comme ça que j'ouvre mon sac, je prends l'enveloppe, je lui donne. Et quand je lui donne l'enveloppe, il entre dans sa chambre, il reçoit son père pour la même personne. Il vient dire que fais vite, viens vite, je dois te bénir, tu pars. Viens, il ne faut même pas que les gens d'ici te voient. C'est comme ça que mon papa m'amène dans sa cuisine. La cendre, il met l'eau, il vient, il me fait là, il dit que va, on se retrouve à Yaoundé, on va faire la goutte là à Yaoundé, va. C'est comme ça qu'il y a une co-épouse de ma maman qui sort. Elle dit que on n'a pas encore donné le bois de terre. Il dit, oh, pour, à mon patron, il dit, pour Boyak Fokana, ça veut dire, on va mettre l'arbre de paix, on va donner ça après. C'est comme ça que mon papa nous chasse même qu'il faut rentrer. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça que je suis rentrée. Je suis venue, j'ai raconté ça à ma soeur à la maison. Mon mari était déjà dépassé. En tout cas, à l'époque, là, mon compagnon était déjà dépassé. Et lui, il m'avait dit que si ma famille même te pose une question, ne réponds pas, même pour ma maladie, il n'avait jamais parlé à sa famille que j'étais malade. Parce que j'étais à l'hôpital un jour sur deux. Je peux rire avec toi là comme ça là, mais après tu entends que je suis à l'hôpital. J'avais des malaises, je ne pouvais pas faire des articulations. Donc, comme si j'étais broyée, comme si on me broyait dans la nuit. Et après le matin, je n'ai plus la force de me lever pour faire quoi que ce soit. Donc j'étais mal, ma soeur Grâce. Et quand ça se passe ainsi, c'est comme ça qu'on fait les achats avec ma soeur pour descendre dans maintenant sur Yaoundé pour la dos. Mon papa arrive, c'était les problèmes, il cherchait les problèmes à ma maman. Et j'avais un grand frère qui était son cousin à lui, mais qui était chez nous comme notre aîné, parce que c'est lui qui l'a élevé. Et c'est lui qui grondait ma mère. Et le même jour de la dot, il a grondé ma maman un jour, et je me suis levée, j'ai dit, tu sais, c'est la dernière fois que tu parles à ma maman comme ça. Et j'ai dit à ma maman que si tu veux faire quelque chose là, fais ce que ton cœur te dit. Il n'a rien à te dire. Et directement, mon père, c'est là que tu parles là en tant que qui? Mon esprit m'a dit, reste tranquille, ne parle plus. Parce que tout ce qu'on voulait même faire, on veut même pousser la chaise comme ça. Mon papa dit, même une chaise, on ne bouge pas. Ça va rester que comme ça. C'est le mariage de quoi qu'on n'a jamais vu. Donc, c'était les problèmes. Elle, sa part, c'était seulement la prière. Parce que même, je pense, je ne sais pas ma mère si parce que tu dois rester en prière. Ça, je ne me rappelle pas. Mais c'était que toi, à Yaoundé, elle devait seulement être dans la prière. Intercesseuse. Oui. Tenir la brèche. Voilà. Et c'est donc comme ça que papa... La dot s'est passée jusqu'à ce qu'on était en train de partir. Quand je pars dans la chambre de mon père pour lui dire au revoir, il avait une larme. Et je lui dis, papa, au revoir. Il me dit, au revoir, va non, tu as dit que tu vas te marier. Va donc. C'est donc comme ça que moi, je suis partie, papa. Ça, c'est mon histoire. Et cette histoire, j'ai raconté pourquoi? Parce que je vous ai dit, je suis tombée enceinte après le décès de ma maman. Et ma soeur, sa famille à elle, était déjà quelque part. Eux, ils priaient là-bas. D'où cette maman spirituelle dont je vous ai parlé. Et cette maman spirituelle, sa grande soeur à elle, parlait déjà de moi là-bas. Et cette maman avait dit que non, elle ne veut pas me voir. Je ne sais pas ce qui s'était dit, ça je ne connais pas, mais que le Seigneur ne lui demande pas de me faire de venir. Elle travaille avec le Seigneur, donc à l'époque là, le Seigneur ne m'acceptait pas. Et alors moi j'ai dit, quelle c'était qualité de Dieu? Même les sorciers partent à l'église. Si je suis une sorcière, même les sorciers partent devant Dieu. C'est quelle qualité d'église que je veux dans... C'était pas l'église. C'est quelle qualité d'endroit que je veux arriver? On me dit que le Seigneur n'accepte pas. J'ai donc pleuré. Elle était déjà en France. Je l'appelle, je lui dis vraiment, je suis mal. Elle me dit quoi? Je dis, mais attends, voilà ce que Valérie m'a dit. Elle a parlé de moi et ma mamie a dit que le Seigneur n'accepte pas moi que je... voilà, d'accord. Il était allé à l'hôpital et de faire une extraction de polypes. Des polypes. Ouais. Oui. Donc, du coup, voilà, un petit peu. Elle n'allait pas voir ma maman. Et moi, je dis, il ne faut pas que tu passes par cette opération-là. Quand tu as acheté des choses de bébé, tu vas dans un hôpital où tu vas t'aider et tu partages ces choses-là. Ouais. Okay. Donc voilà, qu'elle ne peut pas me recevoir maintenant. J'ai donc dit, mais c'est quelle histoire qu'on ne peut pas me recevoir maintenant? Ça m'a tellement irrité au point où je l'ai appelée. J'ai dit, non, ça, je comprends pas cette histoire. Même si je suis une sorcière, quelqu'un... Bref, ça, c'est avec les termes. Oui. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas dire qu'il ne peut pas me recevoir maintenant. Et j'étais seulement mal parce que je me suis dit, peut-être moi-même je ne me connais pas. Ça c'est les questions sans m'en rendre compte. Et j'ai dit, mais peut-être j'ai la sorcellerie inconsciente. Ça c'est ce que je m'étais dit. Après j'ai dit, ah papa, toi sœur, tu connais moi. Et c'est que comme je dors là, je dors moi le sommeil que tu me donnes. Le temps a évolué papa et c'est comme ça que... Entre temps, ma maman décède et c'est comme ça que je tombe enceinte. Et quand je tombe enceinte, donc, à partir du sixième mois de ma grossesse, où j'ai raconté que ma grossesse était déjà une grossesse à risque, sa grande sœur fait donc des cauchemars sur moi comme quoi je suis morte. Et elle, quand elle rêve un peu, ça se réalise. Elle a pris peur, elle est encore allée voir cette maman-là. Elle dit, ouais, voilà les rêves que je fais. Et ça m'inquiète un peu. Elle dit, ah, Dieu ne m'a rien dit. Mais qu'à cela ne tient, c'est pas bon. Et le matin du jour, là, je crois, à 6 heures, c'est elle qui appelle donc que le Seigneur lui a dit qu'il faut arriver ici. Elle dit, ah, je vais donc faire comment pour lui dire de venir ici. Alors qu'on lui avait déjà dit de ne pas venir ici. Elle va me repousser. Elle dit, va lui dire comme cela. Tu es Dieu, va lui dire comme cela. Et quand ma grande sœur est venue me parler, vraiment, mon frère, je n'ai rien dit. Tout ce qu'elle me disait, c'est ce que je faisais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez cette maman. Et c'est donc comme ça qu'elle me dit que le Seigneur lui avait montré comment je fais dans le cercueil et tout, et tout, et tout. Et il fallait travailler sur moi. Et c'est donc comme ça qu'elle allait faire les achats pour travailler sur moi. Les achats de quoi? Les achats... Des produits. Des produits, oui. Elle allait faire les achats des produits pour travailler sur moi. Et c'est donc comme ça qu'après, elle m'a dit qu'il faut donc aller à l'hôpital. Et suite à ça, quelques temps, c'est comme ça que le médecin décide aussi que non, on va seulement m'opérer, tout et tout et tout. On avait vraiment peur. Elle dit, vous avez peur de quoi? Le Seigneur a déjà dit, pendant qu'elle travaillait sur moi, parce qu'elle m'avait déshabillée, pendant qu'elle travaillait sur moi, elle a sorti, ils disent, well. Que le Seigneur, ils disent, ouais, veut dire quoi? Que ça va bien. Donc, que le Seigneur a dit que ça va. Donc, quand même on s'inquiétait, elle dit que qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ils disent, ouais, non. Donc, je m'attiens à ce que Dieu a dit. Et c'est donc comme ça que, par la grâce de Dieu aussi, l'opération s'est bien passée. L'enfant a survécu et j'ai survécu. Donc, et suite à ça, donc, maintenant, mon frère, c'est donc là-bas que moi, je partais. Donc, pour moi... Tu crois que c'était Dieu? Non, pas que je croyais à un. Je disais toujours que le Seigneur l'a utilisé pour me sauver. Pas que vraiment de là, je ne crois pas que quelqu'un est Dieu. Non. Et c'est donc comme ça que... Et c'est donc comme ça que... On persévère là-bas, on prie là-bas et tout. Mais maintenant, ce qui nous préoccupe et ce qui nous a fait... Pas qui nous a fait... Mais qui... Qui a suscité à nous des questions, c'est que frère Junior, ma soeur et moi, nous avons cru en 2008, voilà. Et quand nous avons cru, on nous a toujours dit que le pouvoir est dans le nom de Jésus et rien que le nom de Jésus. Oui. Et cette maman, elle prie vraiment, elle lit la parole. et elle a des prophéties et des prophéties vraies, mon frère. Je dis parce que elle a fait des prophéties sur moi et ces prophéties se sont réalisées. Et suite à ça, maintenant, dans notre chuchotage, le cœur qui bavarde, c'est que est-ce pourquoi alors on fait des bains? Les bains là, c'est les bains de quoi? Avec les produits qu'on met dedans. Avec les produits qu'on met dedans. Bac pour senda, il y a un savon de toilette, il faut se laver, il faut. Hein? Quoi? C'est parfum Saint-Michel. Parfum Saint-Michel, voilà. Elle a la croix catholique. Non. Et il y avait la croix avant. Mais aujourd'hui, je ne vois plus la croix. Mais avant, il y avait la croix. Elle a enlevé. Oui, je crois qu'elle a enlevé la croix. Avant, il y avait la croix. Avant, il y avait la croix. La tête, je te pose une question. Tu dis qu'elle lit la Bible. Oui. C'est parce que tu la vois avec la Bible ou parce que tu vois la Bible là-bas? Ou bien tu la es témoin qu'elle lit vraiment? Je suis témoin qu'elle lit la Bible. Elle lit vraiment cette Bible? Oui, elle lit. Ok. Toutes ces pratiques dans ce cas, elle lit ça où? Ça, mon frère, c'est la raison pour laquelle je me suis déplacé pour venir vous voir. C'est ça la raison pour laquelle. Donc, tu me poses la question directe. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu nous entends là? Oui. C'est la raison pour laquelle je me suis déplacé pour venir vous voir. Et voilà. Ce que je vais pas sauter, c'est que, voilà, après mon accouchement, la prophétie donc si est sortie comme quoi, ma belle-mère. Elle est la femme spirituelle de mon mari. Ou c'est que c'est mon mari qui est son mari spirituel. Donc, que mon mari... Que quoi, ma mère? Non, je comprends. Oui. Elle m'a sorti cette... Donc, elle est mariée spirituellement avec ton mari. Oui. Oui. Voilà. Et... C'est donc ça, ma soeur, je ne sais pas. Donc, ma soeur, continue. Donc, en fait, moi, ce qui fait parler mon cœur, c'est pas qu'on fait. Tout qu'on a cru juste à notre jour, il y a pas la mort, on est parce qu'on a demandé de faire des pâtes, des savons spirituels, des chis, des balais, toutes ces choses pour travailler. Donc moi, ça me fait. Voilà, et parfois quand elle vient pour travailler chez toi, il y a le feu, elle va verser le sel, il y a le sel, elle va verser le sel, et elle va verser le parfum, et après, elle va allumer le feu. Voilà. Sœur, prends ta Bible là-bas. D'accord. Toi, tu as ta Bible à toi là-bas. Mm. Ok, mais ça tombe bien. Il t'en décolorer comme ça pour que tu lises. Tu as vu que tout ce que tu parlais ici aujourd'hui, le Saint-Esprit a dit que ton problème se trouve dans les révélations qui divisent. Donc tout ce que tu vas bavarder, tout ce que tu vas déjà parler depuis ta naissance jusqu'à maintenant, c'est contenu dans cette phrase-là. D'accord. Elle n'est pas encore revenue là. Ouvre le livre des 1 Corinthiens. C'est pour ça que la femme là lit pour toi, elle voit là où il y a le savon, c'est ça. Quand tu ne lis pas, elle va te dire qu'il y a le savon là-dedans. Chapitre 4. Ce que je vais faire, ce que tu vas faire, c'est que les enseignements qui sont en train d'être mis dans ta clé, tu vas les écouter minutieusement. Il veut que ta soeur soit là. Alors, ma soeur, il veut que tu entendes ce que je suis en train de lui dire là maintenant. Oui. Je suis en train de lui dire que les enseignements que je suis en train de vouloir lui. Je suis en train de lui dire que les enseignements que je mets dans la clé là, quand elle va rentrer, il faut qu'elle écoute minutieusement. Ça, c'est un. Des deux, qu'elle soit prompte à obéir à ce qu'elle voit écrit. Parce que si vous vous posez des questions maintenant et que on ne voit pas cette pratique dans la Bible, c'est que forcément ce n'est pas de Dieu. C'est la base, c'est d'abord ce qu'il va expliquer maintenant. Il va expliquer que Dieu nous a mis en garde contre certaines choses, d'accord? Il nous a mis en garde contre certaines choses et on va d'abord voir cette mise en garde. Ayant compris cette mise en garde, la deuxième chose à faire maintenant, c'est que il faut que quand tu vois, c'est écrit. Parce que si quelque chose est écrit dans la Bible, si c'est vrai. Si ce n'est pas écrit dans cette Bible-ci, même si ça semble être... Quand tu vas chez le marabout ne résout pas le problème des gens. Si. Ok, mais quand il résout le problème des gens, mais la Bible interdit le maraboutisme, non? Oui. La question maintenant, c'est que c'est comme ces marabouts-là, ils travaillent avec l'esprit de qui? On se comprend, n'est-ce pas? C'est pour ça que beaucoup de marabouts se trouvent maintenant être des pasteurs. Ils prennent la Bible, mais ils font le même pouvoir. Il faut être maintenant, il faut connaître ce qui est écrit maintenant pour savoir qu'il en est de travailler avec un autre esprit, d'accord? Donc, il lui faut une prompte obéissance lorsqu'elle va écouter les enseignements. Parce que ça va choquer, ça va bouleverser, d'accord? Ok, tu es prêt donc à écouter. En tout cas, ce sera toi avec que Dieu entre dans la maison. 1 Corinthiens chapitre 4 souligne le verset 6. Le verset 6 seulement. Tout le verset 6. Corinthiens chapitre 4 verset 6. Voilà. Maintenant, lis-nous ce qui est écrit. Tu y es? Ok, il faut qu'elle lise. J'ai lu ça avant-hier. C'est bien ça. C'est à cause de vous, frères, oui. que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. Oui. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Qu'on apprenne, c'est-à-dire qu'on voit en les personnes. L'apôtre, c'est l'apôtre pour qu'il y en ait écrit. Mm-hmm. Qu'on regarde leur vie, la vie d'Apollos, sa vie. Qu'on apprenne à comprendre que, comme eux, ils font, mm-hmm. ils ne vont pas au-delà de ce qui est écrit. Mm-hmm. Que nous qui lisons, on doit apprendre comme eux à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mm-hmm. Prends le stylo si tu soulignes, afin que vous appreniez à notre personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. À partir d'afin que. Afin que mmh. vous appreniez à nos, en notre, en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est bon. Ouais. Mmh. Voilà. Donc, ça veut dire que d'après ce que la Bible nous dit quoi déjà? Que on ne doit pas transcender ce qui est écrit ici à l'intérieur. Voilà. Donc, ça veut dire que si quelque chose est écrit à l'intérieur, on ne déborde pas. On ne déborde pas. Ok. Allons-y. Ouvre continue devant Galates. Galates, cette fois-ci, chapitre 1. C'est le devant, c'est juste le devant. Non, ne va pas loin. Donc, juste quelque part. Après ça. Galates chapitre 1. Verset, encadre les versets 6 à 9. Galates combien? Chapitre 1. Oui. Verset 6 à 9. La suite, après tu finis là, tu lis. Mmh. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Mmh. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mmh. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, mm-hmm. nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, mm-hmm. si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'est-ce que tu as de là? Qu'est-ce que tu as de comprendre là? Que... la même chose que ce que nous avons dit précédemment. Oui. Ils sont en train de répéter dans Galates mmh. que nous ne devions pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et même si c'est un ange qui vient, on n'accepte pas. Nous ne devions pas accepter. Ça veut dire que si un esprit se tient ici et dit quelque chose, fait même des miracles, et que ce n'est pas écrit à l'intérieur, parmi les deux qui ment. C'est la personne qui est en train de parler là-bas. Voilà, ça veut dire que cette écriture est tellement vraie que si un ange vient du ciel, il est censé parler de la même chose. C'est pas ce qu'il écrit. C'est ça que tu as vu dans la Bible, n'est-ce pas, ma chère? Papa. Oui, papa. Continuons Colossiens. Avançons devant Colossiens cette fois-ci. Quand tu vas écouter les enseignements, quand tu vas commencer à écouter, tu vas commencer à aller dans la Bible, tu vas lire la Bible, tu vas comprendre. Ça ne sera plus malaxable. Il y a beaucoup de choses que vous avez faites dans la vie chrétienne, vous avez cru que c'était la vérité. Tu vas être choqué quand tu vas entendre les choses. D'accord. Mm-hmm. Colossiens chapitre 2. Mm-hmm. Verset 6 à 8. Verset 6 à 8 d'abord. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données et abandonnées en action, abondées en action de grâce, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, quand vous avez reçu Christ, faites attention. Il y a des gens qui peuvent te faire sa proie par la quoi? La philosophie des hommes. Tu as vu? Par des traditions. Pourquoi? Il dit que il dit les rudiments du monde et non sur Christ. Parce que c'est Christ qui est le fondement. Parce que n'importe quoi qu'on doit faire, Christ doit l'avoir dit dans la Bible. Si ce n'est pas ce que la Bible confesse là, alors forcément, tu as été captivé. Et le vrai problème, c'est que ça donne les résultats. Continuons, lisons le verset 18 maintenant et 19. Avant de quitter ce chapitre aussi, verset 18 et 19. Si tu veux. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2 encore, versets 18 et 19. Dès qu'on va finir, on va rentrer dans le livre de Matthieu. Chacun, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. Le temps qu'elle se connecte. La Bible déclare que qu'aucun homme, tu as dit que cette femme avait des visions et des prophéties sur toi, il dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, pas un culte des anges. Ça veut dire que ce sont les anges. Elle peut avoir des visions des anges. Elle peut être des êtres spirituels. Il dit que ne vous ravisse au gré le prix de la course et en s'attachant à ses visions. Donc les visions ne viennent pas des dieux, ça vient des anges. Que les anges lui donnent le coup, on lui dit fais telle chose, elle fait. Appelle en attendant, on dit qu'on est en train d'appeler. C'est elle qu'on est en train d'appeler. Ok, pendant qu'on appelle, ça a coupé ici. Ça coupe, oui. C'est elle sinon. Oui, c'est elle. Bon, on lance là en attendant. Elle a mis. Ok, elle a pris la protection. Elle est son chéri, elle veut que son chéri, plus important que la Bible, n'est-ce pas? Non, pas même, même dans son chéri, après, maintenant, tu as fait comment? Tu as fait comment? Non, je vais découcher, mais je vais chercher. Et tu veux voir maintenant, tu dis que non, frère, je suis désolé. C'est qu'on a un problème, c'est pas ça. Pardon. Ok, rentrons dans le livre. Donc, nous voyons ici que les gens peuvent avoir la sincérité, l'apparence que tu vois que non, cette femme si elle est sérieuse, cet homme-ci ne dérange pas, il a l'air tranquille. Ce n'est pas avoir l'air bon, l'extérieur qui est bon qui est le problème. Le problème c'est que ce que la personne fait toi, c'est ici là. Oui ma soeur. Je suis là. Ok. Donc nous étions dans Colossiens chapitre 2, versets 18 et 19, qui nous mettent en garde contre les gens qui pourront utiliser l'apparence de l'humilité en nous ravissant le course à son gré parce qu'ils seront culte aux anges. Il dit qu'on fasse attention. Tu vois cela? Il dit que si une personne, verset 19 dit que si une personne n'est pas attachée au chef, c'est-à-dire que la personne qui veut faire n'importe quoi doit s'attacher au chef. C'est-à-dire que c'est Christ qui donne l'instruction. Parce qu'on dit que Christ est le chef, elle a la tête. Pourquoi c'est ta tête? Pour que tu puisses gratter ton pied, c'est ta tête qui commande la main. Il dit que si une personne veut faire n'importe quoi, il doit faire selon l'ordre que le chef donne. Donc personne ne peut sortir aujourd'hui, il vient dire qu'il a desservi Dieu avec le pouvoir, là, c'est Dieu qui lui a donné, alors que Dieu lui a déjà commandé quelque chose. Dans Malachie chapitre 3, verset 7, il dit qu'en lui, il n'y a aucune ombre des variations. Donc il ne varie pas, d'accord? Alors donc, Colossiens chapitre 2, donc, nous met en garde que 1, il y a des gens qui vont servir des anges, verset 18, qui vont servir des anges et qui auront même l'aile de l'humilité, ils vont avoir des visions. Voilà ce qu'il en est. Verset 19 dit, s'il ne s'attache pas au chef, ça veut dire que si ce n'est pas Christ qui le commande, il est dans le faux. Donc il dit qu'il faut qu'on fasse attention à ces gens-là. D'accord? Allons dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu cette fois-ci. Matthieu. On va lire deux passages encore et puis on va arrêter là. Non, toi tu es dans Jérémie. Matthieu. Quand vous dites que tu donnes le dîme, tu donnes le dîme. Tu as lu le dîme ici, non. Matthieu chapitre 24. Hein, la mienne. Que dépasser, non. Matthieu chapitre 24. Mm-hmm. Il veut que vous souligniez. Non, ne souligne pas encore. On va lire d'abord. Je vais lire à partir du verset 1. Et on va voir ce qu'il en est. Mm-hmm. Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pied sur pied qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand sera cela arrivera-t-il? Première question. Et quel sera le signe de ton avènement? Deuxième question. Et de la fin du monde? Troisième question. Voilà les trois questions qu'ils ont posées à Jésus. Ils sont assis. Ils ont, en passant, ils ont vu une construction. La construction de temps, ils disent, waouh, tu as vu. Parce qu'on a cité une très belle construction. Ils disent, Seigneur, tu vois comment Jésus est bien construit. Jésus, ça a amené la prophétie de la fin du temps. Il a dit, tu vois ça, pied sur pied ne restera pas ici. Quand ils sont allés s'asseoir maintenant pour se reposer, ils disent, Seigneur, c'est ce que tu disais là. Dis-nous, comment on va savoir que ça, ces choses sont arrivées? Quels seront les signes pour nous montrer que cela arrivera? Deux, de ton enlèvement, quand tu vas revenir, comment on va faire pour savoir? Trois, et le signe de la fin du temps. Voilà la question. La première chose que Jésus répond, c'est quoi? À la suite de cela. Qu'est-ce qu'il... Non, lis toi-même. Lis, tu soulignes ça. Quand ils ont fini de dire ça, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Merci, quand. Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ouais. Donc, ils ont posé une question. Jésus commence par faire quoi? Par répondre qu'on doit prendre garde que personne ne nous séduise. Donc, ça veut dire qu'il veut par là dire, quand ces choses vont venir, il y aura les séductions. Vous, faites attention. Quand il prenait la tandis que faites attention que personne ne vous séduise. Or, il a déposé une question. Jésus le met d'abord en garde. Ça veut dire qu'il y aura un danger à la fin pendant que ce moment-ci va se manifester. Le moment de la question. Donc, avant d'abord de répondre aux questions, Jésus d'abord le met en garde. Tu as vu cela? Donc, Jésus met en garde à la séduction de tous ses disciples. Puis, il continue en disant, verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, oui, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Prends le souligne d'abord, et ils séduiront beaucoup de gens. Seulement ça. À la fin du verset 5. Donc Jésus a ouvert sa bouche. Il a dit que beaucoup de gens seront quoi? Viendront en son nom. Non, ça c'est un. Ça, viendront venez, sous son nom. Ça c'est bien. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce que tu as souligné, c'est quoi? Et ils séduiront beaucoup de gens. Il n'a pas dit qu'ils chercheront à séduire. Et ça veut dire qu'ils vont réussir. Donc là où tu te trouves maintenant, soit tu es séduit, soit tu ne l'es pas. C'est clair. Donc ça veut dire que tu dois être, soit tu es parmi ces gens, ce qu'on a déjà séduit. Parce que Jésus a parlé, il était loin derrière. Et nous sommes vers la fin là. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est sur la place publique, soit il est déjà séduit. Soit, si tu ne connais même pas qui est le vrai pasteur, qui est le faux, c'est que tu es dans la séduction déjà. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Donc il dit, un, ils viendront, beaucoup vont venir sous son nom disant que c'est lui le Christ, et ils séduiront. Il a dit, ils séduiront. Donc quand on voit beaucoup de personnes aller à dérive, ce n'est que normal que ça arrive. Les gens, ils sont censés séduire les gens. Maintenant, il commence à leur dire, vous entendez parler des guerres, des bruits, des guerres, ainsi de suite, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas le problème là-bas. Alors au verset 11, lis le verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Souligne, ils séduiront beaucoup de gens. C'est groupe par groupe. Il y a ceux qui vont s'appeler Christ, qui vont séduire les gens. Il y a les faux prophètes qui vont s'élever. Il y a deux styles de façon qu'on peut s'élever. Parce que si il te dit, lève-toi, hein? Non. C'est, assieds-toi, ma soeur. Maintenant, si il dit, élève-toi, allons-y. Élève-toi, voix. Élève ta voix. Élève un peu ta voix. Tu as élevé la voix. Quand il te dit que lève-toi, tu t'es levé. Ici, il est question de s'élever, pas se lever. Se lever veut dire je me mets debout. Il était d'abord assis, il se lève. Ici, le mot qui est écrit là-bas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui monte en puissance. Il dit plusieurs fois pour faire se leveront. C'est pas se lever. Pas qu'il était quelque part, il se lève pour aller. on dit que ça vient grandissante. Mm-hmm. Tu vois cela, hein? Mm-hmm. On dit par exemple que le nuage s'est élevé. Ça s'est élevé. On dit pendant Jésus, pendant qu'il était là, on l'a vu finalement. Après avoir parlé, il s'est élevé. Mm-hmm. Pour monter aussi. Tu vois cela. Donc c'est vrai, on dit que les faux prophètes vont aller grandissantes. Mm-hmm. Grandissant. Leur onction va aller grandissant. Et la conclusion, c'est qu'ils séduiront beaucoup de gens. Une fois de plus, on a dit, on n'a pas dit qu'ils pourront, on a dit qu'ils le feront. Tu vois ce qu'il écrit là? Mm-hmm. Verset 24. Lisons verset 23 et 24. Allons-y. Si quelqu'un vous dit alors que Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, mm-hmm. car il s'élèvera de faux Christ. Stop. Une fois de plus, tu as vu le mot, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il s'élèvera pas, il s'élèvera. Il y a deux, je ne sais pas si tu comprends. Oui. Le verbe pronominal s'élever, et ici c'est le verbe élever. Mm-hmm. D'accord? Mm-hmm. Maintenant, il dit s'élèvera de faux Christ. Normalement, quand on met Christ ici, ça semble être bizarre. Normalement, le mot Christ, c'est le mot hébreu qui veut dire « oin ». Donc, normalement, le mot, la bonne traduction des verbes, pour qu'on puisse ainsi, les faux « oin », ou bien des personnes qui ont des fausses onctions. Tu as vu ça? Mm-hmm. Il dit, ils s'élèveront des faux onctions, des fausses onctions. Donc des gens viendront avec des fausses onctions et des faux prophètes. Donc deux catégories différentes. Des gens qui ont des fausses onctions sur eux et des faux prophètes. Parce que les prophètes sont porte-parole de Dieu. Mm-hmm. S'ils sont faux et ils ont l'onction et que l'onction est fausse, ça ne vient pas de Dieu. N'est-ce pas? Mm-hmm. Bon, que maintenant, ça commence à poser problème. Il dit ici qu'ils s'élèveront des faux Christ et des faux prophètes. Parce que les prophètes sont ceux qui parlent dans la vie des gens. Ils parlent par autorité, par la parole. Ils parlent de la part de Dieu. Et il n'a pas dit, aucun prophète dans la Bible, aucun prophète dans la Bible ne parle jamais au nom de Satan. Même le faux. Chaque prophète vient, il parle ainsi parle l'Éternel. Si quelqu'un te dit ainsi parle Satan, il te dit les choses qui sont vraies sur toi. Tu vas accepter. Mm-hmm. Voilà. Alors il dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Maintenant, lis le suivant, après le mot prophète là. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Stop. Qui fait les miracles? Les prophètes et il est prodige. Non, regarde bien. On a bossé. Ils feront. Non. Ah, on a commencé par dire car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Donc mm-hmm. ceux qui ont des fausses onctions mm-hmm. et ceux qui sont des faux prophètes, les mm-hmm. deux groupes feront des grands prodiges et des miracles. Mm-hmm. Alors c'est le fait que cette personne là te donne des miracles, te donne des choses, ce n'est pas nouveau. Dieu a prévu cela dans les Écritures. On va voir un des exemples pratiques dans la Bible, d'accord? Mm-hmm. Dans le Nouveau Testament. Alors, lorsqu'il dit, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront. Ils vont faire. Tu as vu? Ils feront. Quand ils vont venir, ils vont faire. La question, c'est, ils font par qui? Par Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui se travaille au travers d'eux? Tu penses que c'est Jésus? C'est qui? C'est Jésus. Parce qu'il n'y a que deux. Il y a l'onction de Jésus et l'onction de l'autre. Comment il s'appelle l'autre? Là, il s'appelle encore. Il a oublié son nom. Comment ça? Satan. Hein, Satan, oui, oui. Donc, ça veut dire que ceux-ci sont oints par qui? Par Satan. Mais Satan est assez intelligent pour qu'il ne puisse pas utiliser son nom pour travailler. C'est que les gens vont fuir. C'est ça la séduction. C'est-à-dire que tu crois que tu es dans le vrai alors que la personne qui en est d'utiliser, il appelle Jésus, mais il a quelque part où il va te faire chipper pour que tu viennes vers lui. C'est parce que s'il appelle Satan, tu vas fuir directement. Alors, hein, on a commencé à construire quelque chose. Toute personne qui vient vous annoncer l'évangile, dit la Bible dans Galates chapitre 1, s'il n'annonce pas l'évangile tel que c'est prêché, qu'il soit maudit, anathème. C'est ce qu'on a dit. Et il a dit, je le répète, nous avons dit précédemment, il le répète à cette heure. Quand bien même un ange vient vous annoncer l'évangile que nous vous avons annoncé, autre que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. La Bible nous a dit qu'on apprenne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Pas vrai? Mm-hmm. Puis on a vu dans Colossiens chapitre 2 que maintenant vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui, de peur que vous, quoi, que vous ne soyez englué dans les philosophies des hommes, les traditions et les rituels du monde et non sur Christ. Au verset 19 et 18 et 19, on a vu clairement qu'aucun homme sous l'apparence de piété, d'humilité, ne vous ravisse le prix de la course au gré à ce propre gré en s'abandonnant à des visions, à ces enseignements des anges. Pas vrai? Mm-hmm. Ici, donc Jésus nous met en garde lui-même personnellement que des faux qui s'élèveront. Or, il disait ça, il était physiquement là. Il est mort depuis, il est parti. Donc, nous sommes dans la période. La question maintenant que tu dois se poser chaque fois, c'est que est-ce que quelqu'un qui parle de Dieu, toute personne qui arrive de la Bible, qui parle de Dieu dimanche, fait des choses, est-ce qu'ils sont des dieux? Tu dois devoir savoir. Et tu ne peux pas savoir si tu ne sais même pas lire la Bible. Quand tu ne sais pas lire la Bible, il n'y a rien que tu puisses faire pour les qualifier. On va te quitter. Il y a deux passages qu'on va encore lire. Alors, ici, il dit ils feront des grands miracles. Verset 24. Ils feront des grands prodiges. On n'a pas seulement des prodiges, des grands. prodiges et des miracles au point de séduire. Et puis il dit, si était possible, même les élus. Donc c'est uniquement à cause du fait qu'ils soient élus qu'ils ne peuvent pas, qu'on ne peut pas les avoir. Ça veut dire que si tu n'es pas élu, tu vas aller dans la sauce. C'est là où on se trouve là. Donc ça veut dire que les miracles ne sont pas seulement le signe d'authentification du vrai. Il faut savoir l'esprit du miracle. Il faut savoir l'esprit du prodige. Il faut savoir l'esprit de ces choses qu'on a. Comment donc faire pour savoir? La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4, il faut que tu lises cela. Donc nous voyons 1 Jean chapitre 4, c'est vers la fin. Nous y sommes. Donc, 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1, lit. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Maintenant, pose la question. Tu as d'affaire ce qu'on a dit là. Déjà, tu ne savais même pas que le verset existait, non? Souligne d'abord pour commencer. Quand tu as fini de souligner, tu me dis ce qu'on a déjà dit là-bas. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, oui, mais éprouvez les esprits pour avoir s'ils sont savoir, de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est-à-dire en clair, qu'est-ce que je dois faire? Que c'est quel fait je dois demander si c'est en accord avec la parole là, de Dieu? Tu vas demander ça à qui? Parce que là, le verset te dit que tu fasses comment? Comment? Quel est l'outil que tu as pour pouvoir savoir? Mais éprouver l'esprit. Comment tu vas éprouver donc? Puisque tu as dit qu'il a donné une prophétie sur toi, c'était vrai. Et quand c'est fort, même tu l'appelles même dans la nuit pour lui dire que telle chose, pour que tu puisses t'aider, pas vrai? Vrai, papa. Maintenant, quel esprit donc travaille? Comment tu l'espères encore, c'est ma soeur? Comment tu vas faire? Maintenant, continue. On va donner la situation, le pourquoi de dire qu'il faut qu'on fasse attention, qu'il faut qu'on éprouve ses esprits. Il continue en disant quoi? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Celui-ci, il écrit longtemps après que Jésus avait déjà dit ce qu'on avait dit là. Mm-hmm. Il dit que Jésus avait dit qu'il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ici, il dit que plusieurs faux prophètes sont venus. Donc, le commencement de l'accomplissement de ce que Jésus avait dit, ils sont déjà manifestés. Mm-hmm. Voilà. Alors maintenant, celui-ci dit non, maintenant qu'ils sont déjà là. Car plusieurs faux prophètes sont venus. Jésus avait dit qu'il s'élèvera. Donc, le moment de la manifestation avait déjà commencé. Mm-hmm. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Continuons. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Mm-hmm. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Oui. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Voilà, maintenant, garantons de ceci à l'esprit. Dans Colossiens, on nous avait prévenu que sans s'attacher au chef, au Christ, duquel tire tout le corps, tire l'accroissement. C'est-à-dire si quelqu'un vient dire n'importe quoi, si ce n'est pas attaché, si ce n'est pas consistant, si ce n'est pas en relation avec ce que Christ a dit, c'est ce qu'on allait lui dire. Mm-hmm. Parce qu'on a dit la tête, il y a le nerf. Il n'y a pas un seul nez sur le corps. Il y a plusieurs nez qui donnent les différents commandements. Et ça veut dire que ça veut dire, quand on prend n'importe quoi qui semble venir de Dieu, on va regarder les différentes ramifications pour voir si les nez viennent de Christ. Si sa source de Christ. Et donc, Christ, donc, c'est la parole. S'il y a un endroit de la parole où ça ne vient pas de lui, forcément, ça ne tire pas. La tête n'a pas commandé ces choses-là. Tu vois cela? Mm-hmm. Il dit ici, là, maintenant que reconnaissez, c'est tout esprit. Quand il confessait venir de Dieu, c'est pas que je connais Jésus. Parce que le démon dit dans la Bible que je connais Jésus. C'est pas qu'un démon se tient debout et dit que non, je connais Jésus. Qu'un esprit dit que non, je viens de Dieu. C'est pas ça que la Bible a dit. La Bible a dit, vous l'a dit, si cet esprit vient, tout ce qu'il doit faire doit être conforme à ce que Christ a dit. Parce que ça doit être tiré son accroissement de lui. Parce que si cette notion vient, ça viendra dire ce que Christ a déjà dit. Tu vois ça, mon cher? Mm-hmm. Est-ce que tu as des références là? Donc on t'a eu, non? Mm-hmm. Tu voulais parler, ma soeur? Oui, mon frère. Mm-hmm. Par exemple, à travers ce passage. De 1 Jean chapitre 4. Oui. Mm-hmm. Il m'était venu une fois en esprit et je parlais toujours avec ma soeur. Je dis, mais attends. Si on dit que c'est... Pas que si on dit. Mm-hmm. Nous, on a cru. Et quand on a cru, voilà ce qu'on nous a dit. Mm-hmm. Maintenant, aujourd'hui, là, les bains là, qu'on fait là. Mm-hmm. Est-ce que si on a cru en Christ, on doit encore faire ce genre de choses? Si la conclusion, évidemment. Depuis qu'on a dit, qu'est-ce que tu en conclus? J'en conclus que non, c'est pas bien. Mais cette femme-là, elle prie donc qui est en état assidu? Parce qu'elle prend des exemples en disant que Dieu ne sortira pas du ciel pour venir te sauver. Mm-hmm. Il passe par des sacrifices. Pas des sacrifices. Et que l'exemple dans la Bible, elle prend l'exemple de Naaman, mm-hmm, que le Seigneur quand on l'a baigné. Oui. Bon, en même temps qu'elle produit. Voilà. Nama a payé un prix. Non. Le prophète lui a dit, va te laver dans le Jourdain. Oui. La lèpre, sept fois. Et puis il s'est lavé, il est parti, non? Oui. Prends cet exemple. C'est le prophète qui est allé le laver. Maintenant, ça c'est Dieu qui a dit au prophète Élisée de le faire. Il l'a fait comme ça. Et c'est un prophète qui l'a fait. Quand il l'a fait, il a retrouvé la guérison. Est-ce qu'il y a des produits? Est-ce que l'eau a été composée? Non. On a acheté une nouvelle bassine? Non. Une nouvelle serviette? Non. Le parfum? Non. Le savon? Non. On a donné l'offrande expiatoire? Non. L'enveloppe? Non. Les œufs? Rien. Donc tu as été séduit, n'est-ce pas? Oui. Ne pleure pas, ma soeur. Ne pleure pas, d'accord? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas, d'accord, ma soeur? Ne pleure pas, le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez comprendre donc que dans votre évolution, vous ne devez pas faire confiance aux hommes comme ça. Vous devez tester les esprits. Et le test des esprits, c'est fait par la parole. Embrasse ta soeur, embrasse, fais optifier là, d'accord? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Papa, c'est que je connaissais la vérité. Et là, tu pouvais soutenir mon fils puisque c'est que tu es dans la vérité, n'est-ce pas? Mais on t'a trompé, malheureusement. On t'a trompé. Et lors de ta délivrance, tu vas savoir de quoi il est question. Ne t'inquiète pas, d'accord? Ne t'inquiète pas, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime, c'est pour ça qu'il t'a envoyé ici aujourd'hui. Tu dois connaître la vérité. Il dit, vous connaîtrez cette vérité-là, ça va vous... Ça franchit. Ça va franchir, d'accord. Et c'est comme ça donc, vous allez, c'est exactement le travail de marabout qu'on fait comme ça là. On enlève une chose, on met une autre chose. Et ça fait que tu sois dépendant de cette personne-là. Chaque fois quand tu as quelque chose, parce que tu as eu une solution, une fois, tu commences à avoir foi en lui, pas foi au Seigneur Jésus. Mais en toile de fond, tu penses qu'en passant par elle, non, c'est pas elle que je suis en niveau là, c'est Jésus qui veut m'arrêter. Tu es attaché là-bas. Les esprits travaillent derrière pour pouvoir t'attacher à eux. La parole de Dieu est vérité. D'accord? C'est la parole de Dieu qui est vérité. Même si tu lis la parole, ça dit que tu dois guérir et que tu ne guéris pas. Et que le marabout fait que je te guéris. C'est pas le marabout qui a raison, c'est la Bible qui a raison. Il dit, même si tu lis la Bible, et la Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu mets les mains sur toi, tu pries, tu ne guéris pas. Le marabout donne une remède, tu guéris. Ce que le marabout a fait est faux, ce que la Bible dit est vrai. On va continuer, on va lire deux derniers passages maintenant, d'accord? On va lire deux derniers passages maintenant, d'accord? Actes des apôtres. Actes des apôtres. Chapitre 16. Oula. Le chapitre 16. Voilà. Actes des apôtres, chapitre 16. Lis-nous les versets 15 et 16. Répète les versets 15 et 16 et lit. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jurez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Oui, continue. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Tu as entendu ça? Oui. Donc une femme qui avait l'esprit du python, elle prophétisait. Et en prophétisant, elle faisait des grands gains. Et là, elle a même prophétisé même sur les apôtres en disant que ce sont des grands serviteurs de Dieu et ils vous annoncent la voie du salut. Elle disait la vérité le plus parfaite. Et c'est un esprit de python. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis, ma chère? Donc, j'ai choqué. Souligne, verset 16, 17. Coloré, comme ça, tu ne te quitteras jamais. C'est une femme qui était sincère, mais l'esprit qui était à l'intérieur d'elle, elle divinait, elle procurait un grand gain à son maître. Les gens la consultaient, n'est-ce pas? Mais elle marchait. Cette fois-ci, l'apôtre Paul pouvait dire, « Ah, c'est une soeur ici. Elle a dit quelque chose dans ma vie qui est vrai. Comment elle sait que je suis un grand serviteur? Elle confirme mon ministère. Parce qu'au moins, mais les juifs, je les parle, ils ne comprennent pas. Mais voici maintenant, la femme s'est confessé mon ministère. Dieu lui a révélé que je suis un grand serviteur de Dieu. La Bible déclare que Paul, fatigué, là, s'est tourné. Il a dit, « Je t'ordonne de sortir. » Ma soeur, d'accord? Ça va aller, d'accord. D'accord. Donc, le cœur a eu raison de pas être tranquille. Justement, parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, n'est-ce pas? Exactement. Je rends grâce à Jésus Christ de Nazareth. Et c'est ce que je lui disais ce matin. Elle me disait qu'elle a peur, elle tremble. J'ai dit, moi aussi j'ai peur. Pour lui dire, j'ai pas dormi de toute la nuit. J'ai fait des micro-sommeils parce que je réfléchissais. Seigneur, j'espère qu'on n'est pas tombé dans les pieds. Oui. Nous avons fait le choix de choisir ton chemin. Je refuse de servir notre maître. Si c'est notre maître, je n'en veux pas. Bon. Mais malheureusement, nous sommes tombés dans le piège. Mais je rends grâce à Dieu parce que il a permis que nos cœurs murmurent, nos cœurs parlent beaucoup pour savoir que non. Ici, il y a un truc qui ne tourne pas, mais qui n'est pas en accord avec sa parole, qui sont ses plans et toutes ces choses qu'on fait. Oui. L'hôtel est renouvelé et toutes ces choses, oui. Donc, je lui dis infiniment merci. Je sais que quand il commence quelque chose, c'est pas pour rien. Il va achever l'œuvre qu'il a commencé parce qu'il sait que nous, on le cherche en vérité et en fidélité. Mm-hmm. C'est pourquoi il nous épargne de ces choses comme ça. Mm-hmm. Donc, je ne peux que rendre à Dieu et lui dire merci parce que ça va nous servir encore de leçon. Et demain, attention quand quelqu'un nous parlera de Dieu. Oui. Ça va. Donc, mais il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans vos cas comme ça, qui croient servir Dieu. Et même peut-être même ces personnes-là qui croient qu'elles servent Dieu. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, ce que je dirais, c'est que avant de faire confiance à toutes ces personnes qui parlent de Dieu, c'est il faut déjà faire appel à Jésus-Christ de nous donner l'esprit du discernement pour plus qu'on tombe dans des pièges pareils. Mm-hmm. Et éprouver les de toutes ces personnes-là. Mm-hmm. Parce que, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas haut. Mm-hmm. Donc, il a dit dans sa parole que vous nous avez montré que plusieurs faux prophètes s'élèveront à mon nom. Mm-hmm. Donc, et c'est le cas, c'est dans ce cas que nous sommes aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, de faire très très attention à tous ceux qui parlent de Dieu. De faire appel à Jésus-Christ et de demander l'esprit du discernement pour ne pas tomber justement dans ces pièges-là. Mmh. Mais il y a des gens qui vont plutôt dire qu'ils s'en foutent si c'est Dieu ou pas, mais le cas d'essence, c'est qu'il a son résultat. Non, moi je ne suis pas. Nous on n'est pas du genre, on s'en fout. Parce que si on s'en foutait, on ne serait pas. Ma soeur ne serait pas là dans votre maison aujourd'hui. C'est justement parce qu'on ne s'en fout pas et que nos cœurs murmuraient, parlaient pour nous qu'on a dit, mais tiens. Que Jésus-Christ, pour vous dire, avant de venir, je lui ai dit, faisons une prière dans la nuit et demandons à Dieu de nous conduire vers cet homme que tu vas rencontrer demain, qui nous répond, non pas par sa chair, mais par l'Esprit de Dieu. Mmh. Et voilà, en fait, vous nous répondez effectivement par l'Esprit de Dieu en nous mettant des preuves devant nous. Donc, je ne peux que rendre grâce à Dieu et lui dire merci. Amen. Mais la vérité peut souvent faire mal, n'est-ce pas, à notre chair? Non, la vérité fait très mal, ça je vous l'avoue, ça fait super mal, très très mal. Mais bon, avec Christ, il y a un prix à payer. Tu vois comment les gens que tu as tenus pour vrai, que tu as pris et en ayant confiance, t'ont déçu plutôt. Exactement. Ces choses-là. Seigneur Jésus. Nous allons lire un dernier passage maintenant et on va faire un commentaire pour conclure, d'accord? Parce que ça va enseigner beaucoup de gens aussi, pas vrai? Deux pierres. Le livre des deux pierres. Courage, d'accord? Courage. Deux pierres, chapitre 2. À partir du verset 1, allons-y. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous un moyen de parole trompeuse. Souligne par cupidité. Verset 2. Là, on commence. Verset 3, oui. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Donc, pour pouvoir. Cupidité, ça veut dire quoi? Le bien matériel, l'amour du bien matériel, l'argent, ainsi de suite. Il ne viendra pas te demander le bien matériel directement. Il va prendre des versets bibliques, des choses, prendre des stratégies pour pouvoir soutirer de l'argent. Donc, tu vas voir que le culte va tourner autour de l'argent. On va tourner autour de semer, ainsi de suite. Prendre telle chose, donner telle chose. Il faut que vous fassiez comme ça. En faisant comme ça, vous semez pour Dieu. Il faut que vous donniez tel sacrifice. Achetez si c'est le balai. Achetez plutôt tel savon. Si, achetez si c'est mettez à la maison. Mettez tel si à la maison. Par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Tu as vu ça, mon cher? Vas-y, verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Oui. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Oui. Et insatiables de péché. Oui. Ils amorcent les âmes mal affermies. Souligne. Donc, les cibles, c'est les gens qui sont mal affermis. Pourquoi ils sont mal affermis? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne sont pas édifiés dans la vérité, dans le fondement des apôtres. Par contre, on peut les manipuler, on peut commencer à dire les âmes faibles. Ils prennent les âmes faibles, oui. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils amorcent les âmes mal affermies. Souligne bien cela. Ils amorcent les âmes mal affermées. Puis on dit maintenant. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont les enfants de malédiction. Souligne. Ils ont le cœur quoi? Exercé à la cupidité. Donc malgré qu'il te regarde, malgré qu'il peut faire n'importe quoi, quand il te regarde, son cœur attend ton argent. Vérité. C'est vrai. Vérité. La Bible dit donc que ce sont des enfants de malédiction. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Donc ils ne peuvent pas faire autrement que de parler de ma bien matériel, que de parler de l'argent, de la semence. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Donc quand ils s'entraînent, ça n'a pas de méditation sur. On va prendre quel verset biblique pour faire pour qu'ils s'aiment. Dieu m'a dit que prends ce mouchoir et on vend le mouchoir. On peut vendre telle chose. Le tout, c'est pour avoir de l'argent, par cupidité. Fais-moi, la Bible, c'est terminé. Maintenant, s'il y a des gens, toi aussi ici, les pleurs, c'est pour la restauration. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans ton cas, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce que je leur dirais, c'est de lire la parole de Dieu. Tu viens de découvrir, tu en as appris à tes dépens maintenant. Donc, ta faute était parce que tu n'es... Je ne lisais pas. Je ne lisais pas. Et ça, c'est mon défaut. Je ne lis pas. Et tu prends pour chacun comme vrai. Vrai, voilà. Et je me dis, voilà, je suis pas allée dans la maison d'un marabout. Pour moi, c'est que si on dit Christ, c'est Christ, alors que c'est pas ça. Alors que Christ lui-même a mis en garde, que nous devions prendre garde face à ces faux prophètes. Bref, qui se cachent derrière les prophètes en disant qu'ils sont prophètes alors que ce sont des marabouts. Le plus grave maintenant, avant que tu ne parles, le plus grave c'est qu'ils ne sont pas à l'extérieur. Dans ces deux pieds qu'on venait lire, il a dit qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura parmi vous. Parmi, on a dit qu'ils seront où? Parmi nous, donc au milieu chrétien. Donc ça veut dire que la mise en garde, parce que le marabout est à l'extérieur. Il a dit qu'il y aura parmi vous. Il dit que, et il a donné les caractéristiques en disant qu'ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils vont vous trafiquer, ils vont chercher ceux qui sont mal affermis. Vous balancer les paroles pour pouvoir avoir de l'argent. Donc tu vois que la chose que tu as faite comme erreur et que beaucoup, ceux qui nous écoutent là, sont dans cette même erreur parce qu'ils ne lisent pas. C'est de ça dont tu parlais. Et ma soeur, toi aussi, quel conseil tu donnes? En voyant maintenant avec le recul, qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Le conseil que je donnerais, c'est que avant d'accepter que quelqu'un parle de Christ ou Amen. Parce que c'est, je pense que c'est ça notre handicap. On est tombé justement parce que nous ne partons pas à la lumière de la parole, chercher et regarder si ce que Jean-Pierre Paul fait est vraiment, si c'est le Christ ou ce n'est pas le Christ. Amen. Donc je pense que c'est ça. Donc il faut revenir à la base, à la doctrine biblique, à la Bible. Oui, à la lumière de la parole de Christ. Mmh. Et voilà. Okay. Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis à votre service. Souvenez-vous, même si quelqu'un est beau n'importe comment, même s'il est diplômé n'importe comment, en fait, la Bible nous a prévenu, c'est que ayant l'apparence d'humilité, sous l'apparence d'humilité, l'extérieur ne doit pas être un modèle pour pouvoir savoir que celui-ci est de Dieu ou pas. Il a dit qu'il va falloir que celui-ci s'attache à Christ, que son enseignement doit tirer sa source de Christ Jésus, notre Seigneur, et que s'il enseigne en deçà, au-delà, de ce que les apôtres ont enseigné, il faut s'en débarrasser. Pas vrai? Ouais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et beaucoup de courage. Je rends grâce à Dieu. C'est pour la gloire de son nom qu'il a permis qu'on soit là aujourd'hui. Bien. Donc je ne peux que dire merci à ce Dieu. Mmh. Mmh. Donc je voulais rajouter en disant que voilà, l'effet de dire voilà, le temple de Dieu est renouvelé, mm-hmm. il faut venir déposer les fruits, il faut donner la dîme. Voilà, autre chose, la dîme doit être remise à elle pour qu'elle aille consacrer. Tu seras choqué. Quand les enseignements qui sont dedans dans ta clé, va, tu regardes les dîmes, tu écoutes. Tu regardes autel, tu écoutes. Les sacrifices que Dieu agrée, tu écoutes. Tu regardes les sacrifices dans la nouvelle, ce qu'on appelle sacrifice dans la nouvelle alliance, tu écoutes. Après, prends rendez-vous, tu nous dis ce que tu en as reçu, d'accord? Donc, pour le moment, mets pause, tu écoutes l'enseignement avec ta Bible. Tu vérifies ce qui est écrit. D'accord? Mais prépare-toi à être choqué. Mais si tu es choqué, ce sera bien, ça va trancher, mais c'est quand même la vérité. D'accord? Que Dieu te bénisse. Alors, autre question? Bienvenue. Chérie, embrasse ta soeur. Merci d'être venu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ceux qui